Qu'est-ce que c'est beau la flûte. J'ai jamais été bon au collège en musique. Il est 6h qu'on amène le coq. Une nouvelle journée qu'on va tous démarrer ensemble. Soyez les bienvenus dans ce mercredi. Nous sommes le 10 octobre pour bien la démarrer cette journée. Later, bitches. Ah, ouais. Je savais que ça allait vous plaire. Ah, oui. The Prince Karma, ça arrive pour vous dans 2 minutes. Dans 10 minutes, on se sentira moins con parce qu'il y a plus con que nous. Ouais. Ça s'appelle les concours du jour, des gens improbables qui font des choses improbables. Je vous raconte leurs histoires, mais pour démarrer, voici les infos. L'actu avec Jean-Charles Gaucher. Salut Manu, bonjour à tous. Encore pas mal de pluie dans le sud ce mercredi. On va faire le point. Toujours du soleil en revanche ce matin dans la moitié nord. Les averses vont quand même remonter au fil des heures. Cet après-midi, seul un gros quart nord-est devrait avoir droit au ciel bleu. Ce sera humide et parfois mouvementé dans le reste du pays. Les températures max comptaient 20 degrés à Toulon, 21 à Angers, jusqu'à 22 à Lille. Au total, 6 départements sont placés en vigilance aujourd'hui, que ce soit pour les orages, les fortes pluies ou les inondations. Les prochaines heures s'annoncent donc très compliquées pour les Pyrénées-Orientales, l'Aude, l'Hérault, le Gard, le Tarn et l'Aveyron. Heureusement, ça devrait se calmer en début de soirée avec quelques éclaircies prévues dès demain. C'est la période, la rentrée passée, les week-ends d'intégration se multiplient bien souvent avec leurs excès. Le ministère de l'Enseignement supérieur lance donc aujourd'hui une campagne de com' et une charte aussi pour mieux encadrer ces rendez-vous traditionnels de la vie étudiante. Les organisateurs doivent désormais détailler précisément le programme, mais aussi le nombre de litres d'alcool prévus pendant les rassemblements. Du jamais vu, jeune ou moins jeune, c'est le moment d'acheter, c'est sûr. Les taux immobiliers n'ont jamais été aussi bas selon une étude dévoilée hier. On est en dessous du précédent record établi il y a 2 ans. En moyenne, on tourne autour d'un euro, d'un 40% sur 15 ans, un 40%. Ce sera donc très difficile de descendre encore. Dans l'actu également, un feuilleton qui dure, celui du remaniement gouvernemental. On l'attendait hier, finalement, ce sera sans doute pour aujourd'hui. Édouard Philippe, le Premier ministre, doit toujours trouver un remplaçant à Gérard Collomb à l'intérieur et ça pourrait aussi bouger dans d'autres secteurs comme à la culture. Un numéro, le 3620, un site internet, pastordon.fr. Vous pouvez donner pour la recherche. C'est le début du Pastordon aujourd'hui. 5 jours de collecte de fonds pour aider les scientifiques qui bossent sur toutes les maladies du cancer à Parkinson. Le sport, le foot, Leonardo Jardim vit sans doute ses derniers moments sur le banc de Monaco. L'entraîneur monégasque pourrait être remercié assez rapidement à cause du début de saison catastrophique de son équipe, aussi bien en Ligue 1 qu'en Coupe d'Europe. Thierry Henry est fortement pressenti pour le remplacer. Cardi B ou encore Selena Gomez, une chose est sûre, DJ Snake sait s'entourer. Le clip de son dernier hit avec les deux chanteuses est sorti cette nuit. Ambiance volcanique, assez dark et surtout très sexy pour ce taki-taki que vous n'avez pas fini d'entendre. Tous les trois sont nommés cette année d'ailleurs au Energy Music Awards. Les votes jusqu'au 9 novembre sur energy.fr comme d'habitude. Et puis un petit peu de ciné aussi avec les principaux films en salle ce mercredi. On en a 2 très attendus. Venom tout d'abord avec Tom Hardy dans le costume d'un super anti-héros. Dans un autre style, on a aussi Girl, l'histoire de Laura qui a 15 ans, rêve de devenir danseuse étoile. Laura, une fille née garçon. 6h03, c'est la fin de ce flash. On est le mercredi 10 octobre. Très bon réveil avec Manu dans le 6-9 sur Energy. Bonne journée. Coucou les Wawa. Coucou. Bonjour Isabelle. Youpi, c'est mercredi. Bonjour Paulette. Coucou. Bonjour Glandu. Debout là-dedans. Bonjour Nico. J'arrive. Et bonjour papa. Papa, c'est moi. Allez, ça commence. Il est 6h04, nous sommes le 10 octobre, c'est mercredi. Alors bonjour mercredi. Bonjour mercredi. Du matin sont là et vous êtes là avec nous dès maintenant. Vous pouvez nous rejoindre. N'hésitez pas, nous avons un numéro de téléphone qui est gratuit. Ah ouais. 0870 42 48. Vous pouvez nous appeler pour venir avec nous. On est là en direct comme chaque matin. Il y a aussi les réseaux sociaux, Facebook, Twitter. On est sur Instagram. On a 2 comptes MySpace. Non. On doit avoir des comptes LinkedIn. Ouais. On a tout ce qu'il faut. On est comme vous, on glande la journée, donc on a plein de comptes. Y a évidemment l'application Manu dans le 6-9. N'hésitez pas à l'utiliser. L'application, vous pouvez la télécharger et vous nous envoyez des messages vocaux pendant toute l'émission, pendant toute la journée, et on les écoute jusqu'à 9h30. On va en écouter plein comme chaque jour. The Prince Karma arrive. Later, bitches. Ça, j'adore. Ouais. Je vous avais dit que ça allait être un hit de l'automne, et ben ça arrive. Ah ouais. Avant ça, qu'avez-vous envie de partager pour démarrer ce mercredi ? Glandu, qu'est-ce qu'il y a ? J'ai une grande nouvelle à vous annoncer. T'es enceinte ? Ah ouais ? Ouais, exactement. Bien vu. Non, non. C'est que vous avez face à vous un futur candidat potentiel à Ninja Warrior. Arrête. Le jeu de TF1. Pourquoi Nico s'est inscrit ? Non. Oh, c'est pas sympa. Tu sais très bien que je suis fan. Eh ben, je vais m'inscrire, moi. Tu veux t'inscrire à Ninja Warrior? Ouais, cette année, c'est décidé, je m'inscris. J'ai vu que le casting. Tu sais quoi? Tu as raconté ton histoire si tu t'es inscrit et tout. Mais ça me fait tellement penser à moi, à l'époque de Roland Garros où je ressors la raquette. Là, il y a Ninja Warrior qui avait. Il y avait Ninja Warrior à la télé. Aujourd'hui, il se dit, je vais faire Ninja Warrior. Mais ouais, il y a eu un message sur les réseaux sociaux, ils ont ouvert le casting. Donc je suis allé sur la page du casting. Et en fait, il faut envoyer un mail avec une petite vidéo de présentation où tu montres que t'es motivé. Je me vois déjà, quoi. Je me vois déjà courir, sauter, trampoline, paf, m'accrocher. Non, tu te vois, mais ce que nous on verra, c'est je sais même pas si tu seras diffusé quoi. Ouais. Oh bah j'espère quand même, si, parce que je vais me déguiser, tu vois. Comme ça ils me diffuseront. Oh non. Je vais marquer les. Si, je vais tenter. Non, mais il faut que tu passes au moins deux obstacles. Deux obstacles, c'est beaucoup, au moins un, le premier. Le premier, ça va, c'est facile. Bah, le premier, il est facile, il faut marcher sur les planches. Ouais, quoi. C'est ça. Faut au moins que tu fasses deux obstacles. Ah ouais. Deux obstacles. Mais non, il faut pas partir comme ça, faut te dire que tu vas gagner Ninja Warrior. Non, faut être raisonnable. Gagner. Mais faut faire que tu bosses vraiment les bras, les abdos, tout ça, parce que il y a carrément un truc là, faut monter une corde en 23 secondes, une corde de 30 mètres. Non, t'en veux pas, il n'y arrivera pas ça. Le mur à monter là, c'est à la fin. Ouais. Donc c'est... Non, mais ça, il passera pas le mur. Ah, mais moi, je prendrai un coach et tout. Hein. Mais sur la vidéo que tu dois enregistrer, tu dois faire une petite démo d'un truc un peu sportif. Non, je suis sympa, je souris, je dis que je suis motivé et je pense que ça suffira. Hein. Ah ouais, parce que sinon, ça va faire mal. Je peux faire 10 pompes, cela dit. Hein. Non, t'en veux pas. Non, tu vas te casser quelque chose. mais attends, si tu veux vraiment faire Ninja Warrior, je suis trop chaud. Tu fais ta vidéo, on te filme et on te suit dans ton dossier d'inscription. Ouais. Ah mais moi ça me ferait trop rire. Vous viendrez avec moi, sur le tournage. Pour aller là-bas ? Ouais. C'est à Cannes, c'est ça ? À Cannes, ouais. Genre comme il y a la famille là ? Ouais, il y a la famille, puisque ma famille. Alors là, on le fait. Ah ouais, si tu t'inscris à Ninja Warrior, que tu y vas, sélectionné, je te promets qu'on vient tous et on sera là avec Iris Mittenaar qui interview. Ah ouais. Alors, vous l'encouragez ? Non, on vient se marrer nous. On va suivre le dossier, Glandu. Trop cool, je suis trop excité. Glandu à Ninja Warrior, tel est notre nouveau destin. Bravo. Allez, 6h07, dans 3 minutes, on continue avec les concons. Il n'a pas réagi. On continue avec c'est les concons. C'est pour moi. J'ai dit on continue avec les concons. Ah d'accord, c'est rigolo ça. On va te suivre. Ouais, c'est un truc d'équipe et tout. Tu veux faire Ninja Warrior, on va t'inscrire, on va y aller. Ouais, cool. Il en faut peu pour amuser un enfant. Juste après The Prince Karma, c'est les concours du jour, des gens improbables qui font des choses improbables. Je vous raconte leurs histoires dans 3 minutes. Bienvenue sur Énergie, on démarre la journée ensemble. This is complete and total bullshit. I show you my tits, will you let me in? Can you just take another drink with me? Thanks. Later, bitches. Bitches. Ooh. bitches. Ah bah quand ça s'arrête, ça s'arrête. Ouais. Wow. Ouais, ouais. 6h11, bienvenue sur LRG. Le pire. Oh non. Le pire. Quand tu travailles l'imitation de Maître Gims, fais-le dans ta salle de bain, c'est bien aussi. Le pire. Je suis dans ma salle de bain. On va écouter Maître Gims dans 2 minutes, mais avant ça, comme chaque jour, les amis, voici les concons du jour. Oui. Nous démarrons en France, dans les Bouches-du-Rhône, avec 3 cambrioleurs qui rentrent chez une mamie de 90 ans pour lui voler des bijoux. C'est pas bien du tout. Non, c'est horrible. Rien n'est bien là-dedans. Et alors qu'elle dort encore, ils réussissent à prendre un bracelet à son poignet, sans la réveiller. Oh. Sauf qu'ils ne le savent pas, mais c'est un bracelet d'alarme pour personnes âgées avec un GPS. Oh non. Oh les gars. Et en fait, ils ont déclenché le bracelet en le volant. Donc ils sont partis et la police a juste eu à tracer le GPS et aller les arrêter. Et voilà. Ah, génial. Ouais. Bien mal acquis ne profite jamais. Bravo, ouais, c'est ouais. Ça. Voilà, vive les objets connectés. À Perpignan, 2 hommes sont arrêtés pour avoir volé une voiture. Ils passent au tribunal et là, l'un des deux sort cette défense imparable. On sortait de soirée, on n'avait pas envie de marcher, alors on a volé la voiture. Oula. Non mais... Alors ça n'a pas marché, si vous demandiez. Ils ont pris 2 ans de prison parce qu'ils avaient déjà été piqués pour le même délit. Ah ouais, ah oui, hein. Voilà. Okay. Moralité, arrêtez les soirées. Oui, ça marche. Ouais. Dernier concours du jour, ça se passe aux États-Unis. Un homme a entièrement brûlé sa maison il y a quelques jours. Pourquoi ? C'est la question qu'a posée la police lorsqu'ils l'ont arrêté. Il a répondu : je voulais enlever des souvenirs de ma tête. Oula. Oh là là. Ah ouais ? Apparemment, il avait eu des petits soucis dans cette maison avec son ex-femme, etc. Il s'est dit : j'ai enlevé les souvenirs, je vais la brûler. Mais un psy, ça coûte moins cher. Ouais, cool. C'est ça. Aussi, un psy, finalement. Oui, bien sûr, effectivement. Et quand il te dit j'ai envie de t'oublier à quelqu'un. Ça fait peur. Ouais, il arrive avec un chalumeau, le mec. 6h13, les concours du jour reviennent évidemment demain à la même heure. Le pire. Maître Gims arrive dans 3 minutes. Manu dans le 6-9. C'est Manu et les Ouin-Ouin qui, en sortant de leur bain, se secouent les bas des reins et font Ouin-Ouin. Énergie. It's been 24 hours, I need more hours with you. You spent the weekend getting even, ooh. Cause girls like you run around with guys like me till sundown. When I come through, I need a girl like you, yeah, yeah. Girls like you love fun and yeah, me do what I want. When I come through, I need a girl like you, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. I need a girl like you, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. Maybe it's 6:45, maybe I'm barely alive. Maybe you're taking my shit for the last time, yeah. Maybe I know that I'm drunk, maybe I know you're the one. Maybe I'm thinking it's better if you drive. Not too long ago, I was dancing for dollars. No, it's really real if I let you be my mama. You don't want a girl like me, I'm too crazy. For every other girl you meet, it's too gazy. I'm sure them other girls were nice enough, but you need someone to spice it up. So who you gonna call? Party, coming revved up like a Harley, Harley. Why is the best food always forbidden? I'm coming to you now, doing 20 over the limit. The red light, stop. I don't play when it comes to my heart, let's get it though. I don't really want a white horse in a carriage. I'm thinking more white horses and carriage. I need you right here, cause every time you fall, I play with this kitty like you play with. call. C'est Maître Gims. Et maintenant, c'est Manu dans le 6-9 sur Énergie. 6h16, dans 3 minutes, on va se faire un pour ou contre. C'est simple. On dit les trucs et les autres disent s'ils sont pour ou s'ils sont contre. Ouais, certains appellent ça du génie. Le pire, c'est pas la méchanceté des hommes, mais le silence des autres qui font tout semblant d'hésiter. Et quand les enfants. Je suis obligé de répondre que les poissons ont trop pleuré. Mais dis-moi ce qu'on a fait. Mais dis-moi ce qu'on a fait. Je suis posé sur mon divan, je regarde la télévision. Explique-moi ce qui se passe, comme si j'avais 10 ans. Assombrir ma vision, pourtant le soleil est présent. Les gens qui font la morale avec une veste en vison. Ou peut-être simplement qu'on a perdu la raison. La vie est un terrain glissant, mais dans quel monde nous vivons? Stop. Le pire, c'est pas la méchanceté des hommes, mais le silence des autres qui font tout semblant d'hésiter. Et quand les enfants me demandent pourquoi la mer est-elle salée, je suis obligé de répondre que les poissons ont trop pleuré. Mais dis-moi ce qu'on a fait. Mais dis-moi ce qu'on a fait. Je me rassois sur le divan. Toujours la télévision, obligé de plisser les yeux, rien à l'horizon. Je vais raconter mes problèmes à des gens qui vivent dans l'aisance. Ils vont me prendre au sérieux que si je m'asperge d'essence. Ou peut-être que tout simplement je n'intéresse pas grand monde. Je suis peut-être une valeur marchande aux yeux de quelques passants. Stop. Et en effet, le mal est fait. Mais stop, stop, stop. Car en effet, le mal est fait. Le pire, c'est pas la méchanceté des hommes, mais le silence des autres qui font tout semblant. Et quand les enfants me demandent pourquoi la mer est-elle salée, je suis obligé de répondre que les poissons ont trop pleuré. Mais dis-moi ce qu'on a fait. Mais dis-moi ce qu'on a fait. Le pire c'est de ne pas profiter du temps qui nous reste à vivre. Le pire c'est de ne pas reconnaître tout ce qui nous arrive. Le pire c'est de ne pas profiter du temps qui nous reste à vivre. Le pire c'est de ne pas reconnaître tout ce qui nous arrive. Le pire c'est pas la méchanceté des hommes, mais le silence des autres qui font tout semblant d'hésiter. Et quand les enfants me demandent pourquoi la mer est-elle salée, je suis obligé de répondre que les poissons. Bienvenue sur Énergie, 6h19. On va écouter Kygo dans 2 minutes. Mais avant ça, on se fait un pour ou contre. Ah ouais. Vous pouvez venir avec nous, 0 870 42 48. Le principe, il est simple. On dit des trucs et les autres, ils disent s'ils sont pour ou s'ils sont contre. Ouais. Qui c'est qui veut commencer? Ouais. Je suis chaud. Nico, vas-y. Je suis chaud. Pour ou contre, les sapins magiques dans la voiture? Au contre. Ah ouais. J'en étais sûr. Les sapins magiques, déjà, c'était les années 90. Ouais. Il faut arrêter avec ce truc. C'est vrai. Et ça ne sent pas bon. Ouais, non. Ça pue. Ouais, c'est vrai. Sans déconner, dans une voiture où il sent bon, tu mets un sapin magique, ça pue. Ouais, mais je suis étonné d'en voir encore autant dans les voitures. J'en vois régulièrement. Ah, moi, j'en vois plus, moi. Ah ouais, ah si, si, moi j'ai un pote qui en a un. C'était odeur framboise, ça pue. Mais il change de pote. Change de pote. Pour moi, quelqu'un qui met ça, ça couvre quelque chose. Il couvre une odeur qui va pas du tout. Oui, mais alors ça ne marche pas. Hein. Il ne couvre rien. Ouais. Pour ou contre, Isabelle? Les bougies magiques qui se rallument sur les gâteaux d'anniversaire. Archi pour. Ah ouais? Ah ouais, ah ouais, les bougies rigolotes. Ah, si, ouais. Bah oui, c'est ça que tu veux dire. Oui, c'est ça. Quand tu souffles dessus, ça se rallume. Exactement. Ah oui, c'est rigolo. Ouais, mais on a plus 8 ans, Manu. Enfin, ah, si. Tu n'as plus 8 ans. Oui, c'est le problème. Mais moi, tu sais quoi? Parce que je prends ça comme un défi, moi. Ouais. Ah ouais? Je dis, ah ok, elle se rallume, tu vas voir. Je souffle pour qu'elle se rallume. Non, tu souffles pas, tu craches. Les gens en général. Ah non, non, mais c'est vrai, à force de souffler, ça fait plein de crash à son et gâteau. Eh bah, ben tant pis, ça crache sur le gâteau, plus personne veut du gâteau, je le prends pour moi. Oui, c'est moi, mais là, tout c'est est bénef. Voilà, feinte. On a Mallory au téléphone. Bonjour Mallory. Coucou Manu, salut les wawa. Bienvenue sur Énergie Mallory. On écoute ton pour ou contre. Pour ou contre, le combo claqué de chaussettes. Ah. Ah. Alors, je vais vous dire un truc. Ouais. Je suis de base contre les claquettes chaussettes, comme 97% des gens. Ouais. Mais. Ah bon, j'ai déjà discuté avec quelques personnes qui font partie des 3% qui mettent les claquettes chaussettes. Ouais. Et ils me disent que c'est ultra confortable. J'ai essayé cet été. Oh non. Ah. J'ai essayé cet été et on se sent hyper bien. C'est vrai, il y a un côté aéré et en même temps protégé, le pied est protégé. Il y a un côté aussi, j'ai pas envie de m'habiller, je m'en fous, ça fait quand même très pyjama. Ouais. Je suis désolé. Ah oui, mais je suis d'accord avec toi. Mais le côté confort, c'est comme les crocs. Hein. Moi, je trouve qu'on s'en fout un peu en fait. Pourquoi on serait contre ces gens-là, tu vois? Ils nous font rien de mal. Ah non, je suis pas contre ces gens-là. Je suis contre le concept. Ah ouais, moi ça me dérange pas. Ouais. Après, bah, imagine, t'as plein de gens autour de toi en claquettes chaussettes qui te regardent. Ah là, c'est angoissant. Merci de nous avoir appelé, Mallory. Un pour ou contre, Paulette? La casquette au travail. Bah pour. Ah bon? Ouais. Alors moi, pour le coup, j'ai porté une casquette pendant des années. Ouais. Et je comprenais pas les gens qui me disaient contre. Pourquoi? Ah ouais. Bah, il y a des boulots où tu peux pas. Il y a des boulots où ça le fait pas. Tu vois, par exemple, je sais pas, moi, peut-être un banquier, ce serait bizarre. Oui. Hein. Non, mais là, tu prends des exemples. Moi, je suis assez con. Quand on était à l'école, on avait pas le droit au couvre-chef. Hein. Je suis désolé. Hein. Donc là, on est sur notre lieu de travail. On devrait. Non, mais par respect pour les autres personnes. Mais en quoi? Alors, c'est quoi cette discussion? Vraiment, je l'avais quand moi je mettais les casquettes. Ouais. En quoi le fait que je mette une casquette est un manque de respect pour toi? Bah, ça fait, j'en ai rien à péter, j'ai ma casquette, et puis je suis à la cool, et je vous respecte pas. Non, c'est pas c'est une règle de savoir-vivre de ne pas mettre de casquette. Ça, c'est dans ta tête, Isabelle. Non. Mais si! C'est dans ta tête. Un mec qui met une casquette te respecte pas. Dans la mienne, je te respecte et ça n'a rien à voir. Mais c'est l'image que tu envoies. C'est comme un entretien d'embauche, tu vas pas en short. Non, tu c'est vois pas ce que bon. Je veux dire? C'est une question de code. Ça dépend si t'es plagiste, par exemple. Oui. Mais un patron qui a une casquette, effectivement, moi je trouve ça stylé. Tu te dis, le patron, il est cool, quoi. Oui, bah alors, cool. Non, mais j'ai un autre argument, c'est que c'est très mauvais d'avoir une casquette comme ça pendant des années. Ça fait tomber les cheveux, hein, même. Non, c'est vrai, il faut que tes cheveux respirent. T'es en train de me dire que je perds mes cheveux, c'est vrai? Non, mais fais attention, il faut que ça respire là-haut. Oh. Fais attention toi-même, hein. Oh. Tu vas voir, toi, tu crois pas ça. C'est bon, un conseil d'amis. Mais j'en ai la foudre. On n'est pas amis. Je perds pas mes cheveux, ok? Pas possible, ça. Non, 1h23, on s'écoutait Kaigo pour la peine. Ouais. Bienvenue sur Énergie. I know I was born to be yours. Alice, bienvenue sur Énergie. Je vais vous donner une bonne raison de rester avec nous. Nous allons parler sexe. Okay. Selon une étude, 35% des femmes regrettent dès le lendemain d'avoir eu un coup d'un soir. 60% des hommes, eux, regrettent non pas le coup d'un soir, mais quand ils ratent l'opportunité d'en avoir un. C'est génial, nous sommes tellement différents les hommes et les femmes. On parle des coups d'un soir. Si vous avez une histoire là-dessus, ça nous intéresse, vous pouvez nous appeler 0870 42 48. On va écouter Drake, c'est juste après les infos. Bienvenue sur Énergie. Manu, il s'appelle Manu. C'est Manu dans le 6-9. Énergie. Leurs destins sont entre vos mains. Votez maintenant pour vos artistes préférés sur énergie.fr. Les Energy Music Awards avec Refix.fr. Vivez l'événement en devenant le meilleur fan. Le 10 novembre à Cannes, en direct sur TF1 et Energy. It's music only. Pendant ce temps, chez Renault, la French Touch Renault fait son palmarès. Meilleurs effets spéciaux, Mégane avec l'affichage tête haute. Meilleur scénario, Mégane avec Multisense et ses modes sport ou confort. Et prix du meilleur prix, Mégane à partir de 169€ par mois avec EasyPack, entretien et garantie inclus pendant 4 ans. Portes ouvertes du 11 au 15 octobre. French Touch, touche française. Pour Mégane Life TCE 115, sans les équipements cités, LLD 49 mois avec un premier loyer de 2000€ jusqu'au 31 octobre, si accord Diac. Voir Renault.fr. Leclerc. Bonjour papa. Ah Thibaut, regarde, en ce moment avec les super pouvoirs d'achat Leclerc, 50% de réduction immédiate sur les céréales Coco Pops de Kellogg's. Ça réveille. Du 2 au 13 octobre, profitez des super pouvoirs d'achat chez Leclerc. Le paquet de céréales Coco Pops, Miel Pops ou Frosties de Kellogg's de 550 grammes avec 50% de réduction immédiate est à 1,37€ après réduction, soit 2,49€ le kilo. Voir modalités et magasins participants sur www.e.leclerc. C'est ça les super pouvoirs d'achat Leclerc. Pour votre santé, limitez les aliments gras, salés et sucrés. Mylène Farmer. Après 6 ans d'absence, elle revient enfin sur scène dans un lieu unique, Paris La Défense Arena, pour 6 concerts exceptionnels. Mylène Farmer en concert à partir du 7 juin 2019. Ouverture de la billetterie samedi 13 octobre à 10h, uniquement sur mylenefarmer2019.com. Et si vous preniez rendez-vous avec Renault Kangoo Z2 ? Hier, j'ai livré tous mes clients avec mon Kangoo 100% électrique. À l'arrière, j'avais autant de place que dans mon utilitaire habituel. Et l'autonomie, 200 km ? Bon, c'est bien suffisant, hein, même quand on a des journées bien remplies comme moi. Et puis, gros avantage, on roule en silence. Ah, c'est vraiment top quand on passe beaucoup de temps au volant. Du 1er au 31 octobre, profitez d'offres exceptionnelles pendant le rendez-vous électrique dans le réseau Renault. Réservez dès maintenant votre essai au 3023. Téléchargez l'appli Énergie gratuite, sans abonnement, pour écouter la playlist Énergie. Énergie, it music only. Pendant ce temps chez Renault, la French Touch Renault fait son palmarès. Meilleur son, Clio Trend avec la Radio Connect Erengo. Meilleur décor, Clio Trend et son décor extérieur chrome. Et prix du meilleur prix, encore Clio Trend à partir de 10 490€. Portes ouvertes du 11 au 15 octobre. French Touch, touche française. Pour Clio Trend, TCE 75 sous condition de reprise d'un véhicule de plus de 12 ans et d'éligibilité à l'éco-prime Renault et gouvernementale de 1000€ chacune déduite. Offre valable jusqu'au 31 octobre. Voir Renault.fr. A Star is Born. La bande originale du film Événement avec Lady Gaga et Bradley Cooper. Star is Born, l'album, disponible maintenant. Leclerc. Allô Régis, écoute, en ce moment avec les super pouvoirs d'achat Leclerc, 70% de tickets Leclerc sur les couches Pampers Baby Dry. Papa, c'est Juliette là. Je ne veux pas le savoir. 70% de tickets Leclerc, Régis. Papa. Du 2 au 13 octobre, profitez des super pouvoirs d'achat chez Leclerc. Les Pampers Baby Dry en maxi-pack, taille au choix, sont à 29,64€. Avec en plus 70% ticket Leclerc. Voir modalités et magasins participants sur www.e.leclerc. C'est ça, les super pouvoirs d'achat Leclerc. Retrouvons Nicolas Barré, directeur de la rédaction du journal Les Échos. À quoi ressembleront la France et le monde en 2038? Aurons-nous inversé la courbe du réchauffement climatique? Utiliserons-nous encore des voitures? Que mangerons-nous? À l'occasion des 110 ans des Échos, 25 personnalités vous donnent leur vision du monde dans 20 ans. Numéro 110 ans Les Échos, une édition collector en vente vendredi. Faire mes trajets quotidiens en Renault Zoé, facile avec ses 300 km d'autonomie, et pour seulement 99 € par mois. En octobre, chez Renault, c'est le rendez-vous électrique. Profitez de Renault Zoé à 99 € par mois. Réservez votre essai au 30-23. Zoé City en location longue durée 37 mois, 22 500 km, premier loyer de 2 000 € plus 36 loyers de 99 €. Si accordiaque, sous condition de reprise hors location batterie. Loyer batterie à 39 € hors mois de livraison. Offre réservée aux particuliers jusqu'au 31 octobre. Voir conditions sur Renault.fr. Manu dans le 6-9. 6h, 9h30. Sur Énergie. C'est bien nous ce matin. Il est 6h32, on est bien en retard déjà. Ouais. C'est nous. Soyez les bienvenus sur Énergie. On va écouter Drake, qui aura aussi Vita et Slimane. Avant tout ça, c'est les infos. Toute l'actu avec Jean-Charles Gaucher. Salut Manu, bonjour à tous. Encore 6 départements en alerte orange ce matin, on va en reparler. Tous situés en tout cas dans la moitié sud, qui aura droit une nouvelle fois à pas mal de pluie aujourd'hui. Au nord, la matinée sera belle avant des complications dans l'ouest et le retour des averses. Seul le quart nord-ouest en fait aura droit à un temps ensoleillé jusqu'à ce soir. Et les températures stables, au max il fera quand même 22 degrés à Montauban et Dijon, comptez jusqu'à 24 à Sedan. Vigilance en cours donc pour les Pyrénées-Orientales, l'Aude, l'Hérault, le Gard, le Tarn et l'Aveyron. Des orages, de la pluie, des risques d'inondation annoncés dans toute la zone. Retour au calme ce soir en principe avec de belles éclaircies demain. Ça ne bouge pas malheureusement, le taux de pauvreté est resté stable sur un an. Selon les chiffres officiels hier, en 2017, 8,8 millions de personnes en France vivaient en dessous du seuil établi autour de 1 000 € par mois. Ça représente environ 14% de la population. Le bilan des manifs hier, environ 160 000 personnes ont défilé dans tout le pays. Journée de mobilisation nationale en demi-teinte pour les syndicats qui réunissaient les salariés du privé, les fonctionnaires, les retraités. Les étudiants aussi étaient réunis contre la politique du gouvernement. Un gouvernement qui n'a toujours pas de ministre de l'Intérieur. Le remaniement tant attendu devrait finalement avoir lieu aujourd'hui. Lancement du Pasteur Don ce mercredi. 5 jours pour aider la recherche sur les maladies comme le cancer ou encore Parkinson. Vous pouvez faire un geste sur pasteurdon.fr ou encore au 3620. Un petit peu de foot, un résultat. Les Bleus EUES ont battu le Cameroun hier à Grenoble. Victoire assez nette et sans bavure. 6-0. Les filles de l'équipe de France préparent en fait le mondial qui aura lieu chez nous l'été prochain. D'ailleurs, les ventes de billets ouvriront la semaine prochaine. Il y aura des rencontres dans 9 villes, notamment à Paris, à Reims, au Havre, à Nice ou encore à Montpellier. Elle repasse derrière la caméra, Mélanie Laurent est de retour au ciné avec Galveston, son 5e film. L'histoire tirée d'un roman raconte la cavale d'un criminel et d'une prostituée traquée par la mafia américaine. Au casting, Elle Fanning n'a pas hésité une seule seconde à rejoindre ce projet et sa réalisatrice française. On a un ami en commun. C'est lui qui m'a convaincue de rencontrer Mélanie. Il savait qu'on allait s'entendre. On a la même énergie. Il m'a poussée à regarder une de ses précédentes réalisations, Respire. Et c'est vrai que ça m'a beaucoup marquée. J'aime ce genre de film d'auteur intense. Quand j'ai su qu'elle voulait adapter Galveston et qu'elle cherchait une jeune femme pour jouer dedans, j'ai voulu décrocher le rôle absolument. Voilà, interview signée Bertrand L'Aiguillon, également au cinéma aujourd'hui, Venom avec Tom Hardy dans la peau de l'un des pires monstres des comics Marvel. 6h35, c'est la fin de ce flash, effectivement on est très en retard, mercredi 10 octobre, bon réveil, bonne matinée. Comme d'habitude, c'est Manu dans le 6-9 qui continue, très bonne journée. Des femmes regrettent dès le lendemain d'avoir eu un coup d'un soir. Alors que 60% des hommes, eux, regrettent non pas le coup d'un soir, mais quand ils ratent l'opportunité d'en avoir un. Et nous avons là toute la différence entre les hommes et les femmes. En une étude, nous avons compris que nous ne sommes pas faits les uns pour les autres. J'aimerais qu'on parle des coups d'un soir. Ça vous est déjà arrivé? Vous avez eu une bonne expérience, une très mauvaise expérience? Vous ne l'avez jamais fait? Vous n'arrêtez pas d'en avoir? 0-870-42-48. Pour vos amis, vous appelez peut-être le coup d'un soir. Ouais. Peut-être quand même vos parents ont oublié votre prénom. 0-870-42-48. Venez nous raconter votre histoire de coup d'un soir. Le temps que vous nous appeliez, on va s'écouter Drake, Rossi, Vita et Slimane. On vous prend au téléphone dans une petite dizaine de minutes. Si vous en avez dans l'équipe, n'hésitez pas. J'en ai un beau, moi. Vas-y, raconte. Deux beaux. Ah, à deux? J'en ai beaucoup, en fait. Non. Toi? Ah ouais? Non, bah... enfin, non, beaucoup non. Non, j'en ai deux, vraiment deux histoires de coup d'un soir rapide. Ouais. Deux histoires, quoi, où tu racontes un truc. Mais tes potes ou toi? C'est tes histoires de coup d'un soir. Mes histoires, moi. Ah, okay, ouais, beau gars. C'est ah, ouais, ouais. Ouais, bah, quand j'étais donjon, quoi. Quand j'étais plus jeune. Hein. non, j'ai. Qu'est-ce que j'ai? J'ai. Une fois où j'avais pas pu ramener une nana chez moi parce que en fait c'était trop le bordel chez moi. Ah ouais. Oh non. Ah. Et ouais, j'avais honte. Donc j'avais dit, j'ai un cousin qui est chez moi, je peux pas te ramener chez moi. Et donc je me suis dit, on va aller à l'hôtel. Ouais. Et on fait un hôtel, pas de place. Deux hôtels, pas de place. Ah. Oh. Et on finit dans un hôtel. Et en fait, j'arrive, et c'était un 4 étoiles, c'était le seul où il y avait des places. Mais non. Oh. Ah. Je vous laisse imaginer le prix de la chambre. Ah bah ouais. Aïe aïe aïe. Et t'arrives, mais il était 1h du matin, donc il restait une chambre, je sais pas, enfin bref, tu payes une fortune, tu montes là-haut. Ouais. Le problème c'est qu'on avait tellement galéré à trouver un hôtel, tellement. On est arrivé, on s'est couché, on a dormi. Mais non. Mais non. Ah bon ouais. Oh mec, tout ça mais, pour ça. C'est un demi-coup d'un soir alors, on peut dire. C'est un coup d'un soir, pas un coup d'un soir. Ah oui, d'accord, c'est ça. Okay, ah ouais, c'est un putain d'hôtel qui m'a coûté une fortune d'un soir. Ouais. Non, voilà. Manu, le matin, c'était possible. Mais le matin, elle est partie, après c'était mort, c'était fini. Ouais. Oh là là. Du coup, après, j'imagine que t'as rangé ton appart un peu mieux, non? C'est ça? Non, c'est une période où. Non. Je sais pas si vous en avez des histoires là-dessus, Glandu. Moi, j'en ai un génie, c'est mon pote Bertrand, après une soirée en boîte. Ok, ça veut dire que ça t'est arrivé à toi, vas-y. Non, après une soirée en boîte, il ramène une fille chez lui. Et là, il se réveille le matin et il est incapable de remettre un prénom sur ce visage. Oh. C'est ma deuxième histoire. Ah, c'est ça? Bah, moi, j'en ai une pareille. Ah, sauf que lui, ça s'est bien fini parce que là, il se souvient pas de son prénom et tout. Et là, idée de génie, il se rappelle qu'il a un Starbucks juste à côté de chez lui. Il l'amène chez Starbucks et là, chez Starbucks, à la commande, il demande le prénom de la fille à la commande. Et bah oui, évidemment. Oui. Pour écrire sur le. Exactement. Et du coup, il avait couché avec Emily. C'est génial. Il a eu le prénom de la meuf. C'est un génie. Ah, c'est pas mal. Ah ouais, alors ça, c'est mieux que moi. Parce que moi, j'avais oublié le prénom. Elle m'a juste dit je vais aux toilettes. J'ai eu 2 minutes pour réussir à prendre son portefeuille, ouvrir la carte d'identité, lire le prénom, remettre dedans. Non. C'est moins inventif, mais ça marche autant. Ouais, plus économe. Je vais pas payer le Starbucks. Et je vous rappelle que le prix d'un Starbucks, globalement, c'est soit tu prends un café au Starbucks, soit tu achètes un appartement. Donc, un dans l'autre. Allez, 6h38. Venez nous raconter vos histoires de cool un soir. On vous prend au téléphone après Drake. Et il y a les sondages du matin qui arrivent dans 3 minutes. Kiki, do you love me? Are you riding? Say you never ever leave from beside me. Cause I want you and I need you. And I'm down for you always, KB. Love me, are you riding? Say you never ever leave from beside me. Cause I want you, and I need you, and I'm down for you always. But the new me is really still the real me. I swear you gotta feel me before they try and kill me. They gotta make some choices, they running out of options. Cause I've been going off and they don't know when it's stopping. And when you get the top and I see that you've been learning. And when I take you shopping, you spend it like you earned it. And when you popped off on your ex, he deserved it. I thought you would've won from the jump, that confirmed it. Trap money, Benny, I buy you champagne, but you love some Henny. From the block like you Jenny, I know you special girl, cause I know too many. Risha, do you love me? Are you riding? Say you never ever leave from beside me. Cause I want you, and I need you. And I'm down for you always, JT. Do you love me? Are you riding? Say you never ever leave from beside me. Cause I want you, and I need you. And I'm down for you always. Bad bitches and we kissing in a wave, kissing, kissing in a wave, kissing, kissing in a wave. I need that black card in the code to the safe, code to the safe, code to the safe, safe. I show 'em how to network, but that Netflix and chill. What's your network? 'Cause I want you and I need you and I'm down for you always. And I'm down for you always. And I'm down for you, down for you, down for you always. Yeah. réveil sur Énergie, 6h41. On va écouter Vita et Slimane dans deux minutes, mais juste avant. Voici, comme chaque jour, les sondages du matin. Ah, yes, super. Ouais. 29% des gens disent que c'est la pire chose à manger en couple au restaurant. Qu'est-ce que c'est cette pire chose, Nico? La choucroute. La choucroute. Alors, c'est pas un plat. Ah, c'est pas un plat? Non, là, c'est un concept. Ah bon? 29% des gens disent que c'est la pire chose à manger en couple au restaurant. Des sushis? Non, c'est pas un plat. Un concept. C'est un concept, sushi. Bah, c'est un plat. Un concept. Un concept. Manger debout au bar? Non. Des tapas? Non. Quand tu manges côte à côte? Non. Non. 29% des gens disent que c'est la pire chose à manger en couple au restaurant. Les assiettes pour deux à partager. Ah oui. Ah bah oui. Genre l'assiette de fromage ou de charcuterie, nanana. Et en fait, l'autre prend tout, à chaque fois ce que tu veux. Et on se bat un peu sur le même petit bout de beurre ou le même petit cornichon. Ça a l'air génial, tes assiettes à deux à partager, Isabelle. Ouais. On se prend un cornichon beurre à partager. Ouais, génial. C'est donc ça, 25 ans de vie commune. Ouais. Wow. Voilà. Ça donne envie ou pas? Oh là là là là. J'aurais pas dû. T'aurais pas dû quoi? C'est lui qui aurait pas dû, oui. En moyenne, nous passons 9 minutes et demie par jour à le faire. D'après vous, de quoi il s'agit? Rire. Rire, non. C'est un peu cracra ou pas du tout? Pas du tout cracra. Ah, pensez au sexe? Non, c'est plus que ça. Tu le fais devant la télé ou pas? Non. Ah. Se maquiller le matin? Non, c'est pas ça. 9 minutes et demie par jour à le faire. C'est... Les hommes et les femmes. Hein. C'est une action qu'on fait chez soi? Oui, on fait chez soi. Et tu le fais pour toi ou pour quelqu'un d'autre? Pour toi. Des petites pompes? Des petites pompes? Ouais. Des pompes? Ouais, tu t'entretiens quoi? Pompe, abdos, entretien à domicile? Tu fais ça 9 minutes et demie par jour, toi? Pas loin. Wow. 2 minutes et qu'est-ce demie. Qu'est-ce que t'as pas plus loin? Voilà, c'est ça. En moyenne, on passe 9 minutes et demie par jour à choisir une tenue pour la journée. C'est ah tout. Bah, moi, j'aurais jamais trouvé parce que c'est beaucoup plus. Hein. Ah ouais? Ah bon? Ah bah oui, c'est rien, 9 minutes. C'est quoi mon conseil? Ouais. Essaye de le faire en 20 secondes pour voir. C'est pas gentil. Oh, je suis content. Ah, je suis content de ma blague. Blague de cassage de fringues. Oh, ça, c'est drôle. Non, mais 9 minutes et demie, je trouve ça énorme. Ouais. Vraiment. Non, mais ah vraiment, oui. Ah ouais, mais moi, je mets 30 minutes. Ah ouais. Tous les matins. Mais non, tu mets pas 30. Mais non, n'exagère pas. Ah ben, bah, je te le dis, en fait, je mets de 4h à 4h30, c'est que pour les fringues, moi. C'est ma décision. Moi, je le fais la veille, mais je mets bien, moi, ouais, 15-20 minutes parce que j'essaye, moi, les vêtements. J'essaye. Mais moi, je vous jure que c'est vrai. Ouais. Je passe devant, je prends, tac, tac, tac, et voilà pour le lendemain. On le sait. Eh ouais, je défends ma copine, qu'est-ce qu'il y a? Pour 95% des salariés, ce que tu n'es plus bientôt, Paulette. Pour 95% des salariés, c'est la qualité numéro 1 que doit avoir un patron. D'après vous, quelle est cette qualité? Généreux. C'est pas ça. De l'ambition? Non plus. De la diplomatie? Ce n'est pas ça, Isabelle. Ça a rapport avec la thune ou pas du tout? Alors, rien à voir avec l'argent. Ah, ok. Non, mais pour 95% des salariés, pour quasiment tous, c'est la qualité numéro 1 que doit avoir un patron. Être beau? Être beau. Non. Ponctuel? Non, c'est pas ponctuel. Bon, c'est avoir le sourire, être sympa, quoi. Ah, ça, on se rapproche de l'univers. Ah. Il doit être drôle? Eh bien, c'est quasiment ça. C'est pour 95% des salariés, la qualité numéro 1 que doit avoir un patron, c'est le sens de l'humour. Ah ouais? Ah oui. Bah non, tout passe mieux avec le sens de l'humour. Ah ouais. Eh oui, eh Bernard, ça fait 4 fois là que je suis en retard cette semaine. Eh ouais, eh ouais, eh ouais. La semaine dernière aussi, bah ouais, eh, détends-toi, fais un prout. Humour Bernard, t'as pas d'humour. Alors, pas sûr que ça passe. Non. 6h45, les sondages du matin reviennent demain à la même heure. Vita et Slimane, tout de suite pour vous. Et juste après, on parle de nos histoires de couloir soir. Bon réveil sur Énergie, c'est Manu dans 6-9. Je ne sais pas faire, j'ai beau mentir, tout me ramène à toi. Je ne sais pas faire quand t'es pas là. Je ne sais pas faire, j'ai beau sourire quand on parle de toi. Je ne sais pas faire quand t'es pas là. Je n'ai plus rien à perdre, rien à gagner. Je n'ai plus de peine, plus rien à pleurer. Rien c'est déjà trop, tout me semble faux. Quand t'es pas là, ça ne compte pas. Quand t'es pas là, toi, là où les mots font s'aimer les âmes. Si tu l'entends, ça, je te pardonne. Quand t'es pas là, toi, là où les autres ont le cœur qui colle. Si tu le veux, prends, je te le donne. Je te le donne, donne, donne. Je te le donne, donne, donne. Je te le donne, donne, donne. Je te le donne. Je te le donne. toi de tes yeux. Sans un signe, plus rien de nous deux. Je reste digne même si ça fait mal quand t'es pas là. Quand t'es pas là, toi, là où les mots font s'aimer les âmes. Si tu l'entends, ça, je te pardonne. Quand t'es pas là, toi, là où les autres ont le cœur qui colle. Si tu le veux, prends, je te le donne. Je te le donne, donne, donne. Je te le donne, donne, donne. Je te le donne, donne, donne. Je te le donne. Je te le donne. J'ai beau mentir, tout me ramène à toi. Je ne sais pas faire quand t'es pas là. Je ne sais pas faire. J'ai beau sourire quand on parle de toi. Je ne sais pas. Quand t'es pas là, toi, là où les mots font s'aimer les âmes. Si tu l'entends, ça, je te pardonne. Bienvenue sur Énergie, il est 6h48. Vita et Simone sont nommés dans la catégorie groupe duo francophone de l'année au Énergie Music Awards. Yes. Ça va se passer le 10 novembre et je vous annonce qu'on va vous faire gagner des places avant la fin de cette émission pour les Énergie Music Awards. Ah, trop bien. Okay, si vous avez envie d'être dans la salle de la soirée événement de l'année, eh ben les amis, restez bien avec nous. Ça va se passer avant 9h30, on va vous offrir vos places. Transport et hébergement sur place. Génial. Ah. C'est à Cannes, c'est le 10 novembre. Avant ça, soyons sérieux, parlons cool un soir. Quelle est votre histoire de cool un soir? Je vous rappelle que selon une étude, 35% des femmes regrettent dès le lendemain d'avoir eu un cool un soir, alors que 60% des hommes, eux, regrettent non pas le cool un soir, mais quand ils ratent l'opportunité d'en avoir un. Je trouve cette étude fabuleuse et qui remet tout le monde à sa place. Notre question, quelle est votre histoire de cool un soir? Pour l'instant, celle de Glandu, elle est top. Ouais. Le mec, un de ses potes, qui se retrouve avec une fille un soir. Le lendemain, il oublie son prénom. Il lui dit, viens, on va boire un café au Starbucks. Il retrouve son prénom parce qu'évidemment, si Starbucks, il écrit son nom sur le gobelet. Ouais. Et là, on a appris qu'il avait couché avec Emily. Génial. J'adore cette histoire. Ah ouais. Magali, bonjour. Salut Manu, salut les Wanwan. Coucou. Bienvenue sur Énergie. Quelle est ton histoire de coup d'un soir? Alors, mon coup d'un soir, donc, c'est, je travaillais dans la cafétéria d'une fac de droit et un jour, j'ai un étudiant qui m'a demandé de le dépanner un petit peu en monnaie, donc monnaie de 2 euros. On a discuté, on a sympathisé, il m'a proposé de passer dans sa chambre universitaire, j'ai accepté et on a fait l'amour et on s'est jamais revus. Bah dis donc, c'est un coup de midi. Ah oui, c'est vrai. Ce n'est pas un coup d'un soir, c'est un coup de midi. Mais du coup, t'as pas récupéré les 2 euros? Non, mais c'est de la monnaie que j'avais dans ma caisse, tu sais. Comme il travaillait, voilà quoi. Ouais. C'est génial, en fait. Tout peut déclencher le truc, quoi. C'est, ouais, c'est ça, exactement, exactement. T'as de la monnaie sur 2 euros, Paulette. Merci de nous avoir appelé, Magali. On t'embrasse fort. Paulette, d'ailleurs, au niveau de coup d'un soir. Non, je sais pas si t'en as une. Ouais, j'ai une histoire. C'était il y a 10 ans. Maintenant, ça remonte. J'ai une copine, en fait, qui est rentrée avec un garçon d'une soirée. Ils ont fait l'amour, une nuit de folie, etc. Le lendemain, elle m'appelle, elle me raconte le truc et elle veut avoir mon avis sur le mec, quoi. Donc, elle me donne le Facebook du mec. Je vais dessus. Je vois la photo et là, je suis choquée. En fait, c'était le serveur en bas de chez moi avec qui je dînais le soir même. C'est improbable. C'est improbable. Mais t'es dégoûté sur le coup. Mais moi j'ai annulé direct, hein, évidemment. Ouais. Tu m'étonnes. Ok, il avait un agenda bien rempli. Ah ouais. Oh là, c'est marrant. Toi t'étais énervé, nous on appelle ça un génie. Ah ouais. C'est fou. On a Nicolas qui est là. Bonjour Nicolas. Bonjour Manu, bonjour toute l'équipe. Bienvenue sur Énergie. Tu as une histoire de cool un soir toi aussi? Oui, absolument. En fait, à une soirée bowling avec des amis, j'ai été accoster la fille de l'accueil. Et à la fin d'une partie, je lui ai demandé s'il était possible de visiter les machines. Donc, elle a accepté. Les machines, c'est-à-dire les machines derrière, tu sais, derrière les pistes, ouais, c'est ça. Absolument. C'est marrant, on n'est plus dans le coup d'un soir, on est dans la magie. Mais qu'est-ce qui se passe derrière? Et du coup, bah, elle a accepté, on y est parti pour visiter. Et puis là, ça a très vite dérapé. Et effectivement, on a fait l'amour. Et on s'est jamais revu. Ah, incroyable. Vous êtes servi des boules de bowling ou des... Oh non. Non, mais je préfère la journée parce que... Non. Vous étiez parti pour visiter des machines et vous avez fait l'amour derrière. Voilà, c'est ça. Ouais. Et ben. Mais t'avais déjà un truc derrière la tête ? Ouais, elle me plaisait. Je l'avais déjà vu 2-3 fois. J'étais déjà allé dans ce bowling. Ah ouais. Elle me plaisait. Il y avait des sortes de jeux de regard à chaque fois. Puis là, ça, c'est la vraie question, c'est pas ça. La vraie question, c'est ce que vous avez fait l'amour avec les chaussures de bowling. C'est vrai, ouais, je crois que je les ai gardées. Ah mon dieu. Et ben, t'es mon héros, Nicolas. Ouais. Belle journée à toi. Merci de nous avoir appelé. Vous aussi, gros bisous. Ciao, 6h52. Jonas Blue sur Énergie à 7h05. On double votre salaire. We're gonna ride till we fall. They say we got no future at all. They wanna keep us out, can't hold us down anymore. We gonna rise till we fall. When we hit the bottom. Énergie 6h55, on va écouter le dernier Georges Ezra, ça arrive juste après les infos de 7h et à 7h05 on va doubler votre salaire. Oui. Aujourd'hui on est le 10 octobre, on a deux journées mondiales. Ah, la première journée mondiale, c'est la journée mondiale de l'œuf. Ah, okay. L'œuf des poules, quoi, voilà. Ouais. Bonne journée, c'est bon les œufs, voilà. Ouais. Ouais. C'est bon, mais on mange quand même, je vous le rappelle, quelque chose qui sort du trou du cul des fesses. Hein. Bah oui, ouais, bon. Ouais. Bah oui, bah quoi. T'as des poules toi, Manu, chez toi, t'es content? Des fois, tu manges des bons œufs bio. C'est le même trou, j'y connais rien en nature, moi. C'est globalement le même trou. Ouais. Ah ouais. Tout va bien, il y a une coquille. Ah. Ben oui. Ouais. Enfin, oui. Ben, ça protège, en fait. Mais on est d'accord quand même que le premier mec qui a eu l'idée de faire ça, il est chelou. On est d'accord. On est d'accord. Parce que, okay. Parce que si le premier mec qui l'a fait, il a testé les œufs de poule, c'est qu'il a testé d'autres trucs. Ah ouais. On ne veut pas savoir. Non. C'est aussi la journée mondiale contre la peine de mort. Voilà, aujourd'hui 10 octobre, c'est la journée mondiale où on est contre la peine de mort. Il y a une journée pour ? Alors, disons que la journée mondiale contre la peine de mort, ça peut être aussi appelé la journée du sujet qui fâche avec tonton un peu borderline niveau politique. Ah ouais, c'est vrai. On a tous un mec dans la famille qui est un peu limite et dès que tu le lances sur les sujets, Ouais, peine de mort. Bah, je te dis, bah, ça calmerait bien les cons là. Voilà. Non, parce que c'est pas avec la politique facile de Macron que tout ça va s'arranger. Hein. On a tous ce tonton à table. Ouais, ouais. Georges Ezra arrive. Le nouveau s'appelle Shotgun. Et on double votre salaire dans moins de 10 minutes à 7h05. Bienvenue sur Énergie. Manu, Manu. Et les Wawan. C'est Manu dans le 6-9. Oui, allô. Oui, excusez-moi de vous déranger, vous êtes bien monsieur Debbouze? Oui, c'est pourquoi? Je me présente, Jamel Debbouze. Je vais faire des courses là, monsieur. Mais, alors juste, je vous explique. J'ai pas le temps, monsieur. Parce que c'est mon nom, hein, je vous rappelle. Bah, c'est vous qui portez le mien aussi, en ce moment-là. Alors, pardon, j'ai déposé ce nom à l'INPI il y a pas, en 1964. Non, j'ai pas le temps. Hein. Vous voulez des œufs, monsieur Debbouze? Je suis en cours, mais j'ai pas que ça. Vous voulez des œufs? C'est Coé, c'est à 17h, c'est sur Énergie. Allô, bonjour, je cherche une citadine pratique et compacte. Bonjour madame, je vous propose Fiat Panda à 5 990 €. C'est une 5 portes ? Oui, 5 990 € avec 5 portes et climatisation. Génial ! Et elle bénéficie de la prime à la conversion ? Évidemment, et du bonus EcoFiat. Mais elle a combien de kilomètres ? Mais elle est neuve madame. Fiat Panda est à partir de 5 990 €, prime gouvernementale et bonus EcoFiat dédié. Offre sous conditions de reprise incluant la prime de conversion de 2 000 € et le bonus EcoFiat 2 000 € jusqu'au 31 octobre. Détails sur fiat.fr, portes ouvertes ce week-end. Fiat. Cet automne, c'est le dernier moment pour profiter du forfait 40 Go à 10 € par mois chez Red by SFR. Ah ouais? Bah ouais, tu sais, l'automne, et bah c'est un peu comme l'été. Sauf qu'il fait deux fois plus froid, que t'es deux fois plus couvert et que tu te lèves deux fois plus tôt. Ah! Mais tout a doublé ou quoi? Ouais, mais pas chez Red. Le forfait 40 Go, c'est 10 € par mois, sans prix qui double au bout d'un an, sans engagement, et c'est seulement jusqu'au 15 octobre. Red by SFR, c'est vert, c'est clair. Rendez-vous vite sur redbysfr.fr. Le forfait 40 Go, c'est 10 € par mois. Uniquement en France métropolitaine jusqu'au 15 octobre 2018 pour tous nouveaux clients. Téléchargez l'appli Énergie, gratuite, sans abonnement, avec tous vos hits préférés. Énergie, hit music only. Avec Canal+, le spectacle ne s'arrête jamais. En octobre, profitez des grands films de l'année. Au revoir là-haut, Justice League, Le Brio, Épouse-moi mon pote. Vivez les plus belles rencontres avec OM-PSG en Ligue 1 Conforama. Découvrez la toute nouvelle saison du Bureau des Légendes, la nouvelle série événement Castle Rock. Et vous n'avez encore rien vu. Canal+, est à partir de 19,90 € par mois et sans engagement. Rendez-vous sur boutique.canal.fr. Valable pour un abonnement via PC, Mac, tablette, smartphone. Offre soumise à condition. Je sais. Apéro fleurs, c'est simple comme l'apéro. Ce sont des mini bouquets que vous choisissez en fonction de votre style, de vos envies et même de vos invités du moment. De quoi donner de nouvelles couleurs à chacun de vos moments de partage préférés. Découvrez les apéros fleurs chez votre fleuriste ou sur lajoiedesfleurs.fr. Retrouvons Nicolas Barré, directeur de la rédaction du journal Les Échos. À quoi ressembleront la France et le monde en 2038? Aurons-nous inversé la courbe du réchauffement climatique? Utiliserons-nous encore des voitures? Que mangerons-nous? À l'occasion des 110 ans des Échos, 25 personnalités vous donnent leur vision du monde dans 20 ans. Numéro 110 ans Les Échos, une édition collector en vente vendredi. Dimitri est professeur d'université. Comme il habite loin de son travail, il a impérativement besoin de sa voiture. Mais aujourd'hui, elle a disparu. Voilà pourquoi chez GMF, si votre voiture est détruite ou volée dans les 4 ans suivant sa date d'acquisition, elle sera remboursée au prix d'achat. GMF, premier assureur des agents du service public. GMF, assurément humain. Et en ce moment chez GMF, 2 mois offerts la première année pour toute souscription d'un contrat d'assurance auto jusqu'au 30 novembre. Conditions de l'offre et du contrat Autopass sur gmf.fr ou en agence GMF. Manu dans le 6-9. Dans 6-9. 6h, 9h30. Sur Énergie. Et pile 7h qu'on amène le col. Et qu'on le fasse chanter. Énergie. Georges Ezra arrive, enfin pas lui, on va écouter Georges Ezra. voilà, ne vous dites pas bon sang, Georges Ezra arrive. Non, non, non, il dort à cette heure-là, il ne nous écoute pas, vraiment, il s'en fout. Mais on n'est pas rancunier, on va l'écouter, on va doubler votre salaire dans 4 minutes, tout ça, c'est après les infos. Toute l'actu avec Jean-Charles Gaucher. Salut Manu, bonjour à tous. Encore pas mal de pluie dans le sud de ce mercredi. On va faire le point, toujours du soleil. En revanche, ce matin dans la moitié nord, les averses vont quand même remonter au fil des heures. Et cet après-midi, seul un gros quart nord-est devrait avoir droit au ciel bleu. Ce sera donc humide et parfois mouvementé dans le reste du pays. Les températures max, 20 degrés à Toulon, 21 à Angers, jusqu'à 22 à Lille. La météo donc encore avec ses 6 départements en vigilance orange, des orages de fortes pluies, des inondations. Les prochaines heures s'annoncent très compliquées pour les Pyrénées-Orientales, l'Aude, l'Hérault, le Gard, le Tarn et l'Aveyron. Heureusement, ça devrait en principe se calmer assez rapidement, en début de soirée sans doute. Quelques éclaircies sont déjà prévues pour demain. C'est bien connu, tout est toujours très calme lors des week-ends d'intégration. Jamais d'excès, jamais de beuverie. Non plus sérieusement, c'est la période où la ministre de l'Enseignement supérieur lance aujourd'hui une campagne de com' et de sensibilisation, accompagnée aussi d'une charte. Les organisateurs doivent désormais détailler précisément le programme mais aussi le nombre de litres d'alcool prévus pendant les rassemblements. 6 jours pour un médecin généraliste, 1 mois pour un dentiste, près de 3 pour un ophtalmo. Les temps d'attente pour avoir un rendez-vous médical en France sont longs. Ça varie aussi en fonction des régions sur les chiffres officiels hier. Heureusement, ces délais sont beaucoup plus courts et raccourcis donc en cas d'urgence. Dans l'actu également, toujours pas de nouveau gouvernement. Le remaniement annoncé pour hier devrait finalement intervenir aujourd'hui. On est sans ministre de l'Intérieur depuis maintenant une semaine et le départ de Gérard Collomb. D'autres visages pourraient aussi arriver, notamment à la culture. Le Pasteur Don, 5 jours d'appel au don pour la recherche en général. Ça commence aujourd'hui et vous pouvez faire un geste sur pasteurdon.fr ou encore au 3620 par téléphone. Du sport, sans doute un nouvel entraîneur limogé en cours de saison. Cette fois, c'est Monaco qui devrait se séparer de son coach portugais, Leonardo Jardim. Il paierait en fait les mauvais résultats de l'équipe, aussi bien en Ligue des Champions qu'en Coupe d'Europe. Et en championnat, bien sûr, Thierry Henry est fortement pressenti pour le remplacer. DJ Snake, Selena Gomez, Cardi B, sacré casting pour le single Taki Taki dont le clip a été dévoilé cette nuit. Vidéo assez dark mais sexy dans laquelle les trois stars chantent et dansent tout de rouge vêtus. Ils se sont bien retrouvés pour l'occasion. Tous les trois sont nommés d'ailleurs pour les prochains Energy Music Awards. Snake dans la catégorie DJ, Selena Gomez pour le titre d'artiste féminine internationale. Quant à Cardi B, elle est en compétition pour la révélation internationale. Vous votez comme d'habitude sur energy.fr. Les sorties ciné du jour pour finir, deux films particulièrement attendus. Venom avec Tom Hardy sur l'un des plus gros méchants du monde des super-héros Marvel. Dans un genre différent, on a aussi Girl, l'histoire de Laura qui à 15 ans rêve de devenir danseuse étoile. Laura, une fille née garçon. 7h04, c'est la fin de ce flash. On est le mercredi 10 octobre. Très bon réveil, très bonne matinée sur Énergie. C'est Manu dans le 6-9 qui continue. Bonne journée. Minutes. Soyez les bienvenus dans ce mercredi 10 octobre 2018. Nous créons cette journée tous ensemble. On ne subit pas cette journée. On ne se réveille pas le matin en se disant « Oh, qu'est-ce qui va m'arriver ?» Non, non. On se réveille le matin en disant « Qu'est-ce qu'on va lui faire à cette journée ?» Ah, ouais. Une petite claque sur les fesses. Voilà ce qu'on va lui faire. Ouais. Oui, cette journée, elle est taquine coquine. Ah, okay. Ouais, écoutez, Georges Ezra, dans 2 minutes, on va doubler votre salaire aussi. J'ai une info, Katy Perry. Ah, vas-y. Oui. Katy Perry a annoncé faire une pause à durée indéterminée dans sa carrière. Waouh. Ah ouais. Oh. Oui, elle veut se consacrer à son couple avec Orlando Bloom. Et oui, parce qu'ils avaient rompu. Ils ont rompu déjà plusieurs fois et je pense que là, elle veut pas se louper. Elle veut qu'il soit heureux, que ça avance. Oh. Et je sens le bébé. Est-ce que vous vous souvenez de la photo d'Orlando Bloom et Katy Perry sur le paddle? Mais oui, avec l'ombre. La fameuse ombre de... Ça doit avoir 2 ans cette histoire. Ouais. Une photo de Katy Perry et Orlando Bloom. Orlando Bloom nu en train de faire du paddle. Ah ouais. Debout sur une planche. Et il avait, on voyait le zizi. Ah énorme zizi. Ouais, il est pas mal. Hein. Ah bah pas mal. C'est, c'est un peu intimidant ces genres de photos. Si tu regardes avec ta femme à côté, tu dis non mais Photoshop là. Il y a du Photoshop là. Non, non, apparemment il n'y en avait pas. Et tu m'étonnes qu'elle fasse une longue pause pour s'occuper de son couple. Oh non. C'est classe. Bah, je sais pas, je vois pas l'autre explication quoi. C'était peut-être pas son zizi, hein, ça se trouve sur la photo. C'est peut-être, je sais pas, une mouette qui passait. Ah non, non, non. Enfin, c'est une ombre, il faut pas non plus. Isabelle, je sais que tu n'as connu qu'un homme dans ta vie. Mais si cet homme-là, parce que je rappelle que Isabelle a connu son mec, c'était à l'école, hein, et depuis, elle n'a jamais vu d'autres zizi. C'est vrai. Donc là, ce que tu es en train de nous expliquer, c'est que le zizi de ton mec ressemble à une mouette. Oui. C'est le problème de n'avoir connu qu'un seul zizi dans sa vie. 7h06, on va doubler votre salaire. Manu dans le 6-9, tous les matins sur Énergie. Manu double votre salaire. Il suffit de vous inscrire sur energie.fr ou manu dans le 6-9.com, ça prend quelques secondes. Et c'est gratuit, c'est ce qu'a fait Aurélie. Aurélie habite à La Chapelle aux Lys, c'est en Vendée. Elle a 31 ans et elle touche 1 604 € chaque mois. Attention Aurélie, de la Chapelle aux Lys. Je t'appelle pour te doubler ton salaire. Oui. Ah, allô. Elle a dit oui, allô, mais ouais. Elle a dit, elle s'est arrêtée à oui. C'est Aurélie ? Oui. Aurélie de la Chapelle aux Lys ? Oui. Quel est le seul animateur radio qui double ton salaire ? C'est Manu sur Énergie ! Oh merde, oh, tu m'as fait peur. Waouh! Ah! Oh, tu sais quoi, Aurélie? Tu m'as surpris! Ah bon? Bon, mais c'est cool en moi! Ah ouais, ouais, la vérité, tu m'as fait peur en fait, moi, je te le dis. Aurélie, tu touches 1 604 € chaque mois, je vais doubler ton salaire, ça va faire 3 208 €. Ne crie pas, s'il te plaît. Tu es pizzaiola? Oui! C'est génial! Ouais. Oui! Oh là, mais la femme parfaite! Tu ramènes une pizza tous les soirs à la maison? Ouais. Tous les soirs, non? Ah, d'accord. Waouh! Et quelle est la pizza qui fait le moins grossir? La moins grossir? Ouais. Je dirais la royale. Ah, il y a quoi dedans? C'est quoi la royale? Jambon, champignons, poivron et fromage. Oui, c'est vrai que ça fait pas grossir, ça. C'est bizarre. Aurélie, j'ai pas envie de te demander celle qui fait le plus grossir, du coup. Hein, parce que, on va loin. On te double ton salaire, 3 208 €, Aurélie. Je rappellerai quand même que ce qui fait grossir dans la pizza, globalement, c'est quand même la pâte. Hein. Oui, c'est vrai. Belle journée à toi, Aurélie. Merci, bravo. Merci. Salut à toi. Gros bisous. Merci d'être là chaque matin avec nous. On double votre salaire tous les matins, 7h05 et 8h05. Vous pouvez vous inscrire. Énergie.fr ou Manu dans le 69.com. C'est peut-être vous qu'on appellera tout à l'heure dans moins d'une heure. Bon réveil sur Énergie, c'est Jean Gézra. Homegrown alligator, see you later. Gotta hit the road, gotta hit the road. The sun ain't changing the atmosphere. Architecture unfamiliar. I could get used to this. In the yellow and green, stick around and you'll see what I mean. There's a mountain top that I'm dreaming of. If you need me, you know where I'll be. I'll be riding shotgun underneath the hot sun, feeling like a someone. I'll be riding shotgun underneath the hot sun, feeling like a someone. South of the equator, navigator, gotta hit the road, gotta hit the road. A deep sea diving round the clock, bikini bottoms, lager tops, I could get used to this. Time flies by in the yellow and green, stick around and you'll see what I mean. There's a mountain top that I'm dreaming of. If you need me, you know where I'll be. I'll be riding shotgun underneath the hot sun, feeling like a someone. I'll be riding shotgun underneath the hot sun, feeling like a someone. We got two in the front, two in the back, sailing along. Yellow and green, stick around and you'll see what I mean. There's a mountain top that I'm dreaming of. If you need me, you know where I'll be. I'll be riding shotgun underneath the hot sun, feeling like a someone. I'll be riding shotgun underneath the hot sun, feeling like a someone. Like a song, on a song, on a song, on a song. 7h10, bienvenue sur Énergie. Dans 5 minutes, juste après David Guetta, c'est le retour de Georges. Ah, yes. Ouais. L'intelligence artificielle la plus embarrassante de France, qui va appeler quelqu'un pour lui annoncer que sa commande est arrivée. Le problème, c'est que la commande, c'est un agrandisseur de pénis. Aïe. C'est pourquoi pas si c'est discret, mais là, c'est pas discret. Georges arrive dans 5 minutes pour vous. Avant ça, écoutez bien, ça s'est passé aux États-Unis. Un homme a acheté une voiture d'occasion et quand il l'a achetée, il a découvert à l'intérieur une liste. Mmh. Une liste qui était a priori oubliée par le vendeur et écrite par sa petite amie. Voilà. Qu'est-ce qu'il y avait sur cette liste ? Une liste de règles que le vendeur devait respecter. Une liste de règles à respecter dans le couple. Okay. Écoutez bien ce qu'il y avait dans cette liste. Tu n'as pas le droit d'avoir des numéros de filles célibataires dans ton téléphone. Oh, dur. C'est compliqué. Imagine si sa mère, elle est célibataire. Où que tu sois, il ne faut surtout pas que tu regardes les autres femmes et tu dois te détourner si une inconnue se dirige vers toi ou t'adresse la parole. Ça ne rigole pas. Hein. Ah là, c'est violent, pour le coup. Encore des numéros, je comprends. Oh non. Mais non, mais t'as le droit d'avoir des numéros de fils célibataire dans ton téléphone. Bah, justement, à part ta mère et ta famille, c'est pas ouf. En plus, le gars, il est vendeur, quoi. Donc, normalement, il doit avoir pas mal de numéros dans son téléphone. Non, bah, du coup, c'est le plus mauvais vendeur de la Terre. Hein. C'est clair. Dans la liste, parce que c'est pas fini, il y a j'ai le droit de vérifier ton téléphone quand je le veux. Il faut avoir deux téléphones. Hein, Tu dois répondre à mes messages dans les 10 minutes qui suivent. Oh, la pression. Tu dois m'organiser un rendez-vous romantique une fois toutes les deux semaines et me dire au moins une fois par jour je t'aime. C'est les exigences. Hein. Ouais, ça sent la sincérité, ça. C'est cool. C'est-à-dire que le mec, il a sur son téléphone une alerte. Ouais. Oh, putain, j'ai pas dit je t'aime. C'est ça. Tu n'as pas le droit de boire de l'alcool sans moi et tu ne peux voir tes amis que deux fois par semaine. Oh là là. Calvaire. C'est bien deux fois par semaine. Non mais toi, faut que tu fasses quelque chose. Hein. Et écoutez bien cette phrase. Si je te demande de sauter, tu dois me répondre à quelle hauteur, princesse. Mais non. T'arrêtes. Hein, c'est pas ouf. Ouais. À mon avis, c'est pas pour rien qu'il a oublié la liste dans la voiture quand même. Hein. C'est qu'il voulait vraiment s'en débarrasser. Hein. Il a oublié la liste et puis il va oublier la meuf aussi, je crois. 7h13, on revient tout de suite. Don't you ever leave me, don't you ever go. David Guetta et Anne-Marie, ça arrive. Et le retour de Georges, l'intelligence artificielle la plus embarrassante de France. À tout de suite. 6h, 9h30. C'est Manu dans le 6-9. Allez, Manu sur Énergie. Enfant des villes ou enfant des fois, on se fait tous une île pour aller bien. À l'horizon, pas de boulot, c'est pas qu'on est con, non, c'est qu'on l'est trop. Alors on traque un peu de joie pour porter le sac quand ça va pas. Et demain l'horloge s'arrêtera, comme dirait Georges, ça va de soi. On ira faire la fête, on ira faire les rois, pour se vider la tête, tout oublier tu vois. On ira faire la fête, on ira faire les rois, pour se vider la tête, pour oublier. Quand on passe à pleurer, ça m'encèle dans nos valises. C'est du temps qui casse le dos, qui nous le brise. Oublier l'horloge qui tourne et nous tue, comme dirait Georges, bien entendu. On ira faire la fête, on ira faire les rois, pour se vider la tête, tout oublier tu vois. On ira faire la fête, on ira faire les rois, pour se vider la tête. Pour oublier, pour oublier, pour oublier, pour oublier. Il n'y a plus ni futur ni passé, il n'y a plus ni futur ni passé, il n'y a plus ni futur ni passé. Danser, danser. Faire les rois pour se vider la tête, tout oublier tu vois. On ira faire la fête, on ira faire les rois pour se vider la tête, oh, pour oublier, pour oublier, pour oublier, pour oublier, pour oublier, c'est Jennifer. Manu, t'es le meilleur, t'es le plus fort, t'es le plus musclé, t'es le plus bronzé. Bref, t'es le plus tout, quoi. Manu dans le 6-9. Manu dans le 6-9 sur Énergie. Calme-toi, calme-toi, tu vas t'accrocher, je vais te faire du mal. Ah mon Dieu. 7h17. On va écouter David Guetta dans une minute, mais avant ça, voici Georges. Manu dans le 6-9, l'appel automatique de Georges. L'intelligence artificielle la plus embarrassante de France, c'est nous qui l'avons. Et tous les jours, Georges appelle quelqu'un en France. Et aujourd'hui, c'est pour lui annoncer que sa commande a été validée et qu'elle arrive très bientôt chez lui. Mmh. Et cette commande, c'est un agrandisseur de pénis. Voilà. Allô, bonjour. Bonjour, ceci est un message automatique. Nous avons bien pris en compte votre commande d'agrandisseur de pénis. Qu'est-ce que c'est ça? Moi, j'ai rien commandé du tout, hein. Qu'est-ce que c'est comme c'est pas au courant. Vivre avec un micro-pénis n'est pas une fatalité. Non, moi, j'ai rien du tout. Moi, je vois pas du tout qu'est-ce que c'est ça. Hein. J'ai rien commandé. La commande de votre agrandisseur de pénis vous sera livrée demain entre 8h et 20h. Ah, vous amenez pas avec ça, parce que ça va du mal, hein. Ah non, ça, je m'en fous de ça, je m'emmerde pas avec ça, surtout, hein. Parce que, ne me pointez pas avec ça, parce que ça va péter, hein. Je vous avertis, moi, vos conneries, j'en ai assez. En cas de souci, merci de contacter notre service client au 0840 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 L'appel automatique de Georges. Manu dans le 6-9. Vous pouvez tous les retrouver en podcast Manu dans le 6-9.com ou sur l'application Manu dans le 6-9. On va s'écouter David Guetta et Anne-Marie. Et juste après, on écoute les messages vocaux que vous nous envoyez sur l'application Manu dans le 6-9. C'est Nico qui les écoute tous et qui les partage avec nous. Et Manu, ta théorie sur les chats qui veulent annihiler l'espèce humaine avance. Ah, je vous dis que les chats veulent se débarrasser de nous. Ça arrive. Restez là, la preuve encore dans 3 minutes. Ouais. I don't wanna lie, can we be honest? Right now while you're sitting on my chest. I don't know what I'd do without your comfort. If you really go first, if you really left. I don't know if I would be alive today. With or without you like night and day. We didn't repeat every conversation. Being with you every day is a Saturday. But every Sunday you got me pray. Don't you ever leave me, don't you ever go. I've seen it on TV, I know how it goes. Even when you're never see your face light up my phone. Never see you singing Tiny Dancer. Every time my head hurts, every time I'm low. Cause I don't know if I would be alive today. With or without you like night and day. Everything about you uncomplicated. Here with you every day is a Saturday. But every Sunday you got me praying. Don't you ever leave me, don't you ever go. I've seen it on TV. Don't you ever go. sur Énergie, 7h21. Attention, je vous annonce que dans 20 minutes, l'un ou l'une d'entre vous va repartir avec ses places pour les Energy Music Awards. C'est le 10 novembre prochain. Ça va se passer à Cannes. Tout le monde veut assister à cette cérémonie. Les seules places disponibles, c'est sur Énergie. C'est normal, ça s'appelle Energy Music Awards. On va jouer au jeu des 5 mots, le meilleur jeu radio du monde dans 20 minutes. Si vous gagnez, vous repartez avec 2 places pour les Energy Music Awards. Plus le transport pour venir, d'où que vous veniez, plus l'hébergement sur place. Parce que oui, après la cérémonie, on vous loge. C'est sympa. C'est cool. Non, vous dormez sur le port de Cannes, là, c'est bien. 0870-42-48. Avant ça, c'est parti. Nico du web lit tous les messages que vous nous envoyez sur les réseaux sociaux. Mm-hmm. Et il écoute les messages que vous nous envoyez sur l'application Manu dans le 6-9. Et il les partage avec nous. Hier, on a répondu à cette question. En quoi votre partenaire n'est parfois pas du tout romantique? Et on a eu des réponses sur Twitter et Facebook et trop de réponses, à mon goût. Beaucoup trop. On démarre avec Gauthier qui dit: ma copine me pose des questions pendant l'amour, en mode, c'est quand tes prochaines vacances? Oh, c'est chelou ça. Ouais. Ah oui. Oh, en fait, faudra pas oublier, ta mère vient demain. Il y a Charline sur Twitter qui dit: mon mec m'a offert le jeu Zelda pour mon anniversaire, sachant que je déteste les jeux vidéo. Oui, mais c'est pour lui, quoi. Ouais, c'est un cadeau intéressé. Zelda, c'est une princesse. Il y a peut-être un message caché derrière. Non, c'est pour lui. Non, c'est vraiment. Okay. C'est clairement pour lui, là. Mais en tout cas, c'est gentil d'avoir tenté de. J'essayais de le défendre. Oui, oui. Bon, en quoi votre partenaire n'est parfois pas du tout romantique? Il y a Olivia sur Facebook qui dit: mon chéri a voulu me faire à manger, il a disposé les pâtes dans mon assiette en forme de zizi. Oh, c'est rigolo. Oh, je l'imagine tout fier en train de mettre les pâtes une par une, tu vois, fallait pas avoir faim quand même. Ouais. Ta vie privée ne nous regarde pas. Et un autre message de Pierre qui dit: dès qu'on est dans un resto asiatique, ma copine fait le morse avec les baguettes. C'est drôle, mais c'est pas romantique. C'est ça. Moi, t'arrives à m'avoir avec cette blague. Pardon? Ah bon? Non, rien, je passais. Je passais par là. Non, mais on note, t'arrives à m'avoir avec cette blague. Ça marche. C'est facile, hein? Ouais, Paulette, elle est pas compliquée, hein? Ah ouais. Parce que là, c'est pas qu'à la fin, là, c'est qu'il y a vraiment. N'importe quoi, ça me fait rire, c'est tout. T'arrives à m'avoir avec cette blague. Bon, n'hésitez pas aussi à nous laisser vos messages vocaux sur notre application Manu en 6-9. Et là, Manu, c'est pour toi. Ta théorie sur les chats qui brisent les couples avance. Salut Manu, salut toute l'équipe. Voilà, avec mon ex-copine, on avait pris un chat. On s'était séparés. On a décidé de se remettre ensemble. On a pris un deuxième chat. Puis elle m'a trompé. Voilà, génial. Excusez-moi, mais si ça, c'est pas encore une fois un exemple frappant de ma théorie, je ne vois pas. C'est pas moi qui. Je n'invente c'est pas dingue. Les choses. Non, mais le couple, elle est mal, hein. Les chats n'ont rien à voir là-dedans. Bien sûr, oui. Et tu sais quoi, quand tu seras plus que toute seule sur Terre avec une autre personne et que toute la population mondiale aura été éradiquée par les chats, tu continueras à dire: non, mais c'est pas les chats le problème. Tu verras. Bon, on continue avec un point météo parce que c'est important. Merci Arnaud. 6h16, autoroute 1. Direction Senlis, Charles de Gaulle, 6,5 degrés. Bonne journée. Ça sent le mec qui vient d'avoir une nouvelle voiture et sur le tableau de bord il est marqué la température. Et justement il a recommencé 10 minutes après du coup, parce que sinon c'est pas drôle. 6h24, 6,5 degrés, la francilienne, tout va bien, voilà. Ok, c'est intéressant. Ouais. C'est marrant, ça me fait penser aux posts sur Snapchat et Instagram, où à chaque fois sur le post, il y a la température. Oui, je sais pas pourquoi. À quoi ça sert? À rien. C'est vrai. Bon, dernier message vocal. Là, attention, si vous appelez Vincent, c'est peut-être à vous que cette personne en veut. Ouais, Manu, est-ce que tu pourrais dire à mon collègue Vincent qu'il sorte de chez lui parce qu'on mettra en retard pour aller au chantier là? Ça commence à me faire chier, ça fait une demi-heure que j'attends, ça commence à me péter les burles. Donc si ça continue, je lui pète la gueule à ce connard. Oh. Ouais. Ok, Vincent, si tu nous écoutes, reste chez toi. Peut-être que tu peux appeler aussi la police. N'hésitez pas à nous envoyer des messages vocaux sur l'application Manu dans le 6-9. On les écoute tous. Jane arrive, c'est juste après les infos de 7h30. Et je vous rappelle qu'on vous offre vos places pour les Energy Music Awards. Ça se passe le 10 novembre. 0870-42-48. On joue dans 10 minutes au jeu des 5 mots. Manu dans le 6-9. Comment puis-je oublier Manu et ses ouin-ouin? Tous les matins sur Energy. Faux stars préférées reviennent tout à Cannes. Hello everybody. Le 10 novembre. Pour la plus grande cérémonie musicale en Europe. Welcome. Votez maintenant pour vos artistes préférés sur énergie.fr. Les Energy Music Awards 2018 avec Laser Game Evolution, créateur français du jeu 100% laser. Laser Game, c'est nous. Le 10 novembre à Cannes, en direct sur TF1 et Energy. It's music only. Voilà notre stratégie, Marc. Des remarques? Je trouve que ça manque de sièges Advance Comfort dans cette salle. Et puis c'est un peu sombre. Si on avait un toit panoramique comme nouvelle Citroën C4 Cactus, ça serait mieux, non? Pardon? Le confort Citroën vous manque? Pendant les jours C'est Confort chez Citroën, profitez d'une reprise de votre véhicule plus 3 000 € sur nouvelle Citroën C4 Cactus, équipée des sièges Advance Comfort et des moteurs nouvelle génération Euro 6.2. Portes ouvertes ce week-end. Citroën. Offre valable jusqu'au 30 octobre. Détails sur citroën.fr. Équipement selon version. Une question à Didier Tabary, président de Filorga, le premier laboratoire français de médecine esthétique. Le maquillage masque les défauts, mais peut-il aussi améliorer la qualité de la peau? Eh bien, chez Filorga, nous avons réussi pour la première fois à formuler une gamme de maquillage actif renfermant plus de 50 ingrédients anti-âge. Et ça marche? Oui, avec la gamme de maquillage Flash Nude, nous obtenons un effet peau nue, zéro défaut, immédiatement, mais aussi durablement. Flash Nude, le premier make-up actif de Filorga, qui améliore la qualité de la peau pour 96% des femmes. Résultat obtenu avec l'application de Flash Nude Fluid. Showroom privé présente... Interro surprise. Quel grand événement attend-on avec impatience pour cette fin d'année? Noël! Bien! Et quel est le meilleur endroit pour fêter un Noël magique en famille? Disneyland Paris! Bravo! Et où peut-on trouver une vente exceptionnelle Disneyland Paris en ce moment? Sur showroomprivé.com. Et si cette année vous fêtiez Noël en famille avec Mickey, Minnie et tous leurs amis? À l'occasion des 12 ans de showroomprivé.com, profitez de 35% de réduction sur les séjours Disneyland Paris. Séjour offert pour les moins de 12 ans. Showroomprivé.com. Chez Peugeot, les moteurs de demain sont disponibles aujourd'hui. Jour après jour, les ingénieurs Peugeot travaillent à améliorer votre expérience de conduite, à développer le design racé des véhicules tout en relevant les défis technologiques de demain. C'est pour cela que tous les véhicules particuliers Peugeot sont homologués avec de nouveaux moteurs Euro 6.2. Plus efficient. Concrétisez votre envie de Peugeot neuve grâce à nos offres exceptionnelles. Découvrez tous nos véhicules disponibles immédiatement sur peugeotwebstore.com. Détails sur peugeot.fr. Téléchargez l'appli Énergie gratuite, sans abonnement, avec tous les podcasts Énergie. Énergie, it music only. On reconnaîtra pas ma voix? Ok, alors, moi c'est Bernard, on va dire. Alors oui, j'avais entendu parler de cette histoire de reprise Argus, plus 4 300 € sur l'Opel Corsa, avec climatisation, régulateur vitesse, bon. Mais je me suis dit, Mélanie, Bernard, tu veux pas croire un truc pareil, non? Et du coup, l'offre est passée, et depuis, bah, je fais pas ma maline. Enfin, mon malin. Jusqu'au 20 octobre, pendant les German Days Journée Allemande, les reprises ont de l'allure chez Opel. Bénéficiez d'une reprise Argus plus 4 300 € pour l'achat d'une Opel Corsa. Offre réservée aux particuliers, conditions sur opel.fr. Porte ouverte ce week-end. Tagliatelle al dente cherche viande d'une grande finesse avec qui nouer la plus tendre des relations. Justement chez Grand Frais, les escalopes de veau sont à 16,99 € le kilo seulement. Le meilleur marché, c'est Grand Frais. Jusqu'au 13 octobre, noix ou sous-noix à griller, origine France. Magasin participant sur grandfrais.com. La 4G est illimitée chez Free? Mais non. Mais si. Mais non. Mais si. Et c'est les seuls dans un forfait à 15,99 € par mois. Offre soumise à condition, réservée aux abonnés Freebox avec mobile 4G en France métropolitaine. Plus d'infos sur mobile.free.fr. Mais non. Mais si. Aujourd'hui dans la famille Tout est simple, je vous présente Léa, qui adore acheter des vêtements sur Internet. Un peu trop. C'est jamais trop. Sauf que parfois Léa change d'avis. Bah ça arrive à tout le monde. Elle a donc choisi Colissimo Retour en boîte aux lettres pour renvoyer les articles dont elle ne veut pas. Simple. Elle a franchi son colis sur laposte.fr et n'a plus qu'à le mettre dans sa boîte aux lettres. C'est le facteur qui le prendra lors de sa tournée. Trop stylé. Pas faux, Léa. Avec l'envoi en boîte aux lettres, envoyez vos Colissimo sans vous déplacer. Retrouvez la solution Colissimo qu'il vous faut sur laposte.fr. Toyota. Allez, on se fait un ni oui ni non. D'accord. Il est spacieux, ton RAV4 hybride. Je trouve aussi. C'est bien l'hybride. En plus, c'est sans condition. Du coup, t'as dit oui à l'hybride. Oui. Perdu. Pas vraiment, j'ai gagné 5 000 €. En octobre, dites oui à l'hybride. Et profitez de 4 000 € de prime à l'hybride Toyota et de 1 000 € de remise exceptionnelle sur RAV4 hybride 9. Estimez la valeur de reprise de votre véhicule sur toyota.fr. Portes ouvertes ce week-end. Toyota. Offre aux particuliers non cumulable jusqu'au 31 octobre dans le réseau participant. Conforama, le confort pour tous. En ce moment, chez Conforama, il y a jusqu'à moins 40% sur les cuisines. Oui, jusqu'à moins 40% sur tous les styles et tous les coloris. Pour enfin vous offrir la cuisine de vos rêves. Conforama, jusqu'au 19 novembre, conditions en magasin et sur conforama.fr. Énergie. Manu dans le 6-9. Dans 6-9. 6h, 9h30. Sur Énergie. Il est 7h31. Dans moins de 10 minutes, on va jouer ensemble au jeu des 5 mots et on vous offre 2 places pour les Energy Music Awards. Transport, d'où que vous veniez, on vous le paye. Et l'hébergement sur place, parce qu'on vous laisse pas dans la rue, on est sympa. Ça va se passer dans 10 minutes, on joue au jeu des 5 mots. Tout de suite, c'est les infos. Toute l'actu avec Jean-Charles Gaucher. Salut Manu, bonjour à tous. Encore 6 départements en alerte orange ce matin. On va en reparler. Tous situés en tout cas dans la moitié sud, qui aura droit une nouvelle fois à pas mal de pluie aujourd'hui. Au nord, la matinée sera belle avant des complications dans l'ouest et le retour des averses. Le nord-est tout de même aura droit à un temps ensoleillé et sec jusqu'à ce soir. Les températures stables, au max il fera 22 degrés à Montauban et Dijon, comptez 24 à Sedan. Vigilance en cours donc pour les Pyrénées-Orientales, l'Aude, l'Hérault, le Gard, le Tarn et l'Aveyron. Des orages, de la pluie, des risques d'inondation aussi annoncés dans toute la zone. Retour au calme en principe dès ce soir avec de belles éclaircies pour demain. Des chiffres assez stables, pas de baisse ni de hausse donc du taux de pauvreté en France l'an dernier. Selon les chiffres officiels hier, 14% de la population vit sous le seuil établi autour de 1000 euros par mois. Ça représente environ 8 800 000 personnes démunies. Loin de faire un carton, la journée de mobilisation nationale des syndicats hier a quand même réuni au moins 160 000 personnes en France. Les salariés du privé, les fonctionnaires, les retraités et les étudiants défilaient contre la politique générale du gouvernement. Gouvernement toujours pas au grand complet d'ailleurs. Le remaniement tant attendu devrait finalement avoir lieu aujourd'hui. Lancement du Pasteur Don ce mercredi, 5 jours pour aider la recherche sur les maladies comme le cancer ou encore Parkinson. Vous pouvez faire un geste sur pasteurdon.fr ou au 36-20. Un petit peu de football avec le résultat des Bleus hier. Les filles de l'équipe de France ont battu le Cameroun assez facilement, c'est le moins que l'on puisse dire. Victoire nette et sans bavure, 6 buts à 0, ça se passait à Grenoble. Elle prépare en fait le mondial qui aura lieu en France l'été prochain. Les ventes de billets ouvriront d'ailleurs la semaine prochaine. Il y aura au total 9 villes concernées, des matchs à Paris, à Reims, au Havre, à Nice ou encore à Montpellier. Elle passe la vitesse supérieure. Mélanie Laurent a enfilé une nouvelle fois sa casquette de réalisatrice pour Galveston au ciné aujourd'hui. Pour ce film adapté d'un roman, la Française est partie tourner aux États-Unis avec un casting 100% américain. Ben Foster et Elle Fanning campent deux ex-employés de la mafia traqués par leurs anciens patrons. Une histoire à la fois sombre et sentimentale. Quand j'ai lu Galveston, j'ai vu Elle Fanning que je connaissais pas dans chaque plan. J'ai vu ce que je voulais rajouter, ce que je voulais réécrire, ce que je voulais transformer déjà. J'ai eu un peu peur de certaines scènes, de violence, de faire un film de genre noir, qui est pas du tout mon cinéma. Mais ce qui nous plaisait à tous, aux acteurs et à moi, c'était de faire quelque chose qu'on voit pas si souvent que ça en fait au cinéma, c'est-à-dire une histoire d'amitié ou une histoire d'amour platonique, on l'appelle comme on veut. Il y a pas d'histoire d'amour derrière tout ça, mais il y a une énorme histoire d'amour partout aussi. Ouais, interview signée Bertrand L'Aiguillon, également au cinéma aujourd'hui. Venom avec Tom Hardy, possédé par un parasite extraterrestre. 7h34, c'est la fin de ce flash, mercredi 10 octobre. Bon réveil avec Manu dans le 6-9 sur Energy. Très bonne journée. C'est moi. Un jour, en prenant cette voix, je vais rester bloqué là-dessus. Eh oui. C'est comme quand t'es enfant, on te dit arrête de faire cette grimace, s'il y a du vent, tu vas rester bloqué comme ça. Ouais. Eh ben, c'est pareil que la voix. 7h35, attention les amis, du lourd pour vous. 2 places pour les Energy Music Awards. Ça se passe maintenant au 0870-42-48. Vous nous appelez. On va jouer au meilleur jeu radio du monde. Ce sera juste après Jane. Si vous gagnez, vous repartez avec 2 places pour les Energy Music Awards le 10 novembre avec le transport et l'hébergement. Ouais. C'est pour vous nous appelez maintenant. Dans 3 minutes, on joue ensemble. Avant ça, j'ai une liste de questions que j'ai trouvées sur Internet. Ces questions ont toutes une particularité et la même. Elles amènent systématiquement à la réponse non. Ah, ok. Quand on vous pose cette question, il y a de grandes chances pour que vous répondiez non. Okay. Voici la liste. On fait un Scrabble ? Oh ben non. Ah, ouais. Si c'est mamie qui la pose, tu peux dire oui, ouais. Pour lui faire plaisir quoi. Ouais. Sinon c'est vrai que tu réponds non. Ensuite, tu peux me servir dans tes frites? Ah non, pas non. Douche. Voilà. Ensuite, c'est toi qui as pété? Qui répond oui? Liste de questions qui mènent systématiquement à la réponse non. Tu sais comment on dit ça en latin? Une autre. Tu veux manger les endives ce soir? Oh non. Oh, bon. T'es libre demain pour m'aider à déménager au 8e étage sans ascenseur? C'est bon. J'en ai encore 2. Des questions qui amènent systématiquement à la réponse non. Tu veux pas arrêter ton jeu vidéo pour plutôt lire? Et un petit dernier, t'as vu la dernière palme d'or du Festival de Cannes? Oh. C'est vrai ça. Si je peux rajouter, ça te ferait plaisir que ma mère vienne à la maison ce soir? Non. C'est moi qui ai dit ça? Pardon, je sais pas. 7h36, Jane sur Energy, juste après, dans 3 minutes, on vous offre vos places pour les Energy Music Awards. On joue au jeu des 5 mots. Bon réveil, bienvenue, c'est Manu dans le 6-9. Nacho. Soyez les bienvenus sur Énergie, le nouveau Soprano arrive. Ça se passe dans 2 minutes, mais juste avant ça, on vous offre vos places pour les Energy Music Awards. Attention, la pression. Stéphanie, bonjour. Ah, bonjour Manu. Bonjour les Wawa. Salut. Tu es surprise? Oui. Mais pourquoi tu es surprise? D'accord, bah écoute, sois la bienvenue, tu nous as appelé pour jouer, bah oui, bah c'est toi que je prends au téléphone. Oui. Et bah voilà. Super, merci, génial. Stéphanie, tu me diras merci dans 2 minutes si tu gagnes. Ouais. Attention, ouais. Va falloir ouais, se concentrer. Il va falloir se concentrer, Stéphanie. Nous allons jouer ensemble, comme chaque jour à la même heure, au jeu des 5 mots. C'est le meilleur oui. jeu radio du monde qui va te oui. permettre de venir avec nous au Energy Music Awards. Ça se passe le 10 novembre. 2 places Ouh. Pour toi et la personne de ton choix. Avec le transport d'où que tu viennes, plus oui. l'hébergement sur place. Stéphanie, ouh. Ça peut te faire un beau petit week-end, ça. Ah bah, carrément. Nous allons jouer, carrément. Je rappelle les règles. Quelqu'un de l'équipe va sortir maintenant du studio. Oui. Pour lui mettre la pression, ça veut dire glandu. Oh, ah, voilà. Allez, glandu, allez, c'est parti. Allez. Glandu sort du studio. Attention. Il est dans le couloir. À partir de maintenant, il n'entend plus ce qui se passe. Stéphanie, je vais te donner 5 mots. Après chaque mot, tu me donnes le premier qui te vient en l'esprit. Ensuite, je fais revenir Glandu. Je fais exactement pareil avec lui. Et dès que vous avez un mot en commun, c'est gagné. À toi, les Energy Music Awards. Ok, ça marche, je suis prête. On y va, Stéphanie? Ouais, super. C'est parti, on joue au jeu des 5 mots. Direction. Conduite. Feu. Incendie. Jaune. Rouge. Chewing-gum. Bonbon. D'accord. Lasso. corde. Attention, ouh, Stéphanie, ouais, ça s'est bien passé, ça s'est bien passé, tu as réussi. Bon. Respire, maintenant, merci, tout va se passer dans les, entre les mains de Glandu. Allez, Glandu, ouais. On y croit. Attention, ouh, il est de retour. Un mot en commun. Et tu viens, ouais, à l'Energy Music Awards. Oh, j'ai une sorte de pression. Allez, Glandu, là. Allez, Glandu, ouais, ouais, ouais, on va y arriver. C'est parti. Allez. Direction. Chemin. Stéphanie avait dit conduite. Oh. Feu. Tricolore. Oh. Stéphanie avait dit incendie. Oh, oh là là. Aïe, aïe, aïe. Il reste trois mots. Allez, mais on n'est pas dedans, là, on n'est pas connecté. Allez, allez, allez. Jaune. Œuf. Oh. Alors, oh, Stéphanie. Nico. Oh, pardon. Oh, attends, c'était pas le plus facile. Elle avait dit rouge. Jaune, rouge. Ouais, il n'y a aucun rapport. Ouais. Enfin, c'est les couleurs. Voilà. Oui, enfin, ça fait beaucoup de couleurs que t'aurais pu dire aussi. Ouais. Oh. Bon. Pas de panique, pas de panique, Stéphanie, il reste deux mots. On a connu pire. Ouais. Ouais. Chewing-gomme. Mâché. Ah, ah, j'ai compté sur celui-là quand même. Oh, ah bon, bah, Stéphanie avait dit bonbon. Oh là là là. Ah oui. Oh. Allez, Glandu. Ouais. Un mot, Glandu. Ok, ok, ok, vas-y. Lasso. Cowboy. Oh. Stéphanie avait dit corde. Oh. Ah ouais. Eh oui. C'était pas simple. Non. Ah non, il n'était pas simple. Ah ouais, c'était pas simple. Hein. Il arrive parfois que les gens se retrouvent, que les gens se découvrent, et il arrive parfois que les gens ne se voient pas. Ouais. Stéphanie, je suis désolé pour toi. Je t'embrasse fort. Désolé. Bah merci, merci à vous, continuez comme ça. Et ben on va essayer. Ouais. Enfin, on va essayer d'être meilleur quand même. Ouais, ouais, carrément. On gueule nous. On t'embrasse, Stéphanie. On t'embrasse fort, Stéphanie. Belle journée à toi. 7h43. Oh, c'est mercredi, c'est le jour des enfants. Ouais. Ah oui. La semaine dernière, je vous avais demandé de nous appeler si vous aviez moins de 12 ans pour nous dire en quoi votre papa était totalement nul. Ouais. On avait dit qu'on ferait pareil pour les mamans. Encore votre maman est totalement nulle. 0 870 42 48, vous nous appelez, on vous prend au téléphone juste après Soprano. Le standard, si vous avez moins de 12 ans, vous est réservé maintenant. Ma maman dit la vie n'est pas facile, mais plus facile avec un grand sourire. Donc je souris quand j'ai mal à la vie, car ma maman dit qu'il y a toujours plus maudit. Elle m'a dit donne ça, s'attendre à merci. Vis ta vie comme une jeunesse infinie, tends toujours la main aux plus démunis. Avant d'être important, sois un homme utile. Elle m'a dit aussi qu'ici tout est fragile. Si tout s'écroule, tu reconstruis, c'est comme ça la vie. Oui, combien de douleurs indélébiles, combien au paradis. On vit avec cette mélancolie, c'est comme ça la vie. Maman m'a dit. Danse, danse, à la vie, à l'amour. Danse, danse, à la vie, à l'amour. Danse, danse, à la vie, à l'amour. Danse, danse. Ma maman qui t'a jamais oublié d'où je venais, mais surtout qui j'étais. On avait peu mais on savait donner. Elle m'a toujours dit chez nous l'accueil est inné. Sauf ce que tu es, te laisse pas colorier. Beaucoup sont morts pour cette liberté. Ne salis pas tout ce qu'on a sué, mais surtout ne te fais pas marcher sur les pieds. Ma maman dit le monde il est fêlé. Change avec ton humanité, c'est comme ça la vie. Oui, offre le monde à ta moitié et à tes héritiers. Offre ta vie entière à les aimer, c'est comme ça la vie. Ma maman dit laï laï laï laï la la laï. À la vie, à l'amour. 7h46, bienvenue sur Énergie. Le titre, que quand tu l'écoutes, t'as l'impression d'être plus intelligent. Plus classe, ouais. Plus James Bond. Ouais. Promises, c'est Calvin Harris, ça arrive pour vous dans 3 minutes. Mais avant ça, on est mercredi, c'est le jour des enfants. 0-870-42-48, comme chaque mercredi, je vous demande de nous appeler si vous avez moins de 12 ans. Aujourd'hui, pour répondre à cette question assez simple, en quoi votre maman est vraiment nulle? Ah là là. On l'a fait la semaine dernière avec les papas, il n'y a pas de raison qu'on ne le fasse pas avec les mamans. C'est vrai. Zélie, bonjour. Bonjour. Bienvenue sur Énergie, tu as quel âge? 9 ans. En quoi ta maman est vraiment nulle? T'as le droit de dire plein de choses. Hein. Elle est nulle en coupe de cheveux parce que quand elle revient du coiffeur, elle a toujours une coupe bizarre. Oh. Ah. Mais alors, c'est toi qui trouves qu'elle a une coupe bizarre ou c'est elle qui trouve qu'elle a une coupe bizarre? Nous deux. Vous deux? Ah oui. Mais pourquoi? Et à chaque fois qu'elle revient de chez le coiffeur, elle, la coupe va bien? Oui. Ah oui. Et si elle s'en rend compte, ta maman, il faut peut-être qu'elle change de coiffeur aussi. Eh oui, si à chaque fois ça marche pas. C'est sûr qu'elle revient de chez le coiffeur et pas de chez un maçon. Et comme c'est moins cher, elle le fait quand même faire par le maçon, mais c'est pas terrible. Ouais. Elle veut pas changer de coiffeur du coup? Non. Non, elle continue parce qu'elle aime bien avoir une coupe foireuse. C'est ça, Zélie? Oui. Ta maman est bizarre. Ta maman est clairement tarésée. Mais tu l'aimes et c'est la meilleure des mamans, évidemment. Oui. On t'embrasse fort, Zélie. Merci de nous avoir appelés. Mathis, bonjour. Bonjour, Manu. Salut, les ouin-ouin. Salut. Coucou. Bienvenue sur Énergie, Mathis. En quoi ta maman est nulle? Elle est nulle en cuisine. Enfin, un peu, quoi. Ah, ça sent la maman qui est à côté qui vient d'arriver dans la pièce. C'est ça, ouais, maman est nulle en cuisine et non, pas tant que ça en fait. Elle est nulle en quoi exactement en cuisine? Qu'est-ce qui se passe? Mais quand elle met par exemple des légumes sur le feu, elle va faire autre chose, elle oublie qu'elle est légumes et après ça revient cramé. Ah oui. Mais ça, Mathis, tu sais, ça porte un nom. C'est que ta maman, elle a trop de charge mentale. Elle a trop de choses à penser. Du coup, hop, elle fait plein de trucs et elle oublie les légumes. Faut pas lui en vouloir. Faut pas lui en vouloir, mais le jour où il y a la maison qui crame. Non, mais sérieux, c'est la charge mentale. Ouais. Non, faut surtout pas faire de légumes. Mathis demande des frites. Des frites. Allez. Bien évidemment. D'accord. Voilà. Bim. Merci de nous avoir appelé, Mathis. Paul, bonjour. Bonjour, salut les mamans! Salut à toi, Paul! T'as quel âge? 10 ans. En quoi ta maman est totalement nulle? Elle est nulle en conduite. Ah, c'est quand même plus dangereux que pas savoir cuire des légumes. Mais comment ça se fait, elle est nulle en conduite? C'est-à-dire, par exemple? Parce qu'en fait, la dernière fois, il y avait un porte-vélo et un vélo sur le toit. Et à l'entrée des parkings, il y a un portique. Et quand elle est passée sous le portique, tout est tombé et tout est cassé. Ah oui, elle avait oublié qu'elle avait un vélo sur le toit. Oui. Ah ouais. Ah oui. Honte. Ah mais Paul, tu sais, la prochaine fois qu'elle te dit je t'emmène à l'école, tu dis non, je prends un Uber. Merci de nous avoir appelé, Paul. Belle journée à toi. Attends, Manu. Oui. Est-ce que je peux te demander un truc? Ça dépend quoi, enfin tu peux toujours le demander. Ouais. Vas-y. Est-ce que je peux avoir une photo dédicacée et un petit cadeau? Alors, qu'est-ce que tu préfères entre une photo dédicacée et un petit cadeau? Oh. Comme un kit de l'hiver. Un kit de l'hiver. Oui, mais si tu dois la choisir, toi, t'as soit une photo, soit un cadeau. Tu choisis quoi? Un cadeau. Allez, ok, on t'envoie une photo. Paul, tu sais quoi? Il doit nous rester les kits de l'été. Ouais. Parce que le kit de l'hiver, on l'a pas encore, mais le kit de l'été dernier, on l'a, comme ça on va t'offrir un truc chouette, des tongs pour l'hiver, ce sera bien. Non. Ouais, tu l'auras pour l'été prochain. Ouais. Voilà. On t'embrasse, Paul, merci de nous avoir appelé. Gros bisous. 7h51, et à partir de maintenant, tous les enfants vont nous appeler en nous demandant des cadeaux. On va écouter Calvin Harris, et à 8h05, on double votre salaire. Bon réveil sur Énergie. Are you drunk or not? Gonna judge what I'm doing. Are you high enough to skills that I'm ruined? 'Cause I'm ruined. Is it late enough for you to come and stay over? 'Cause we're free to love, so tease me. Ooh. I made no promises, I can't do golden rings. but I'll give you everything. Tonight. Magic is in the air. There ain't no science here, so come get your everything. Tonight. I made no promises. I can't do golden rings, but I'll give you everything. Tonight. Magic is in the air. There ain't no science here, so come get your everything. Bienvenue sur Énergie, 7h54, on va doubler votre salaire dans 10 minutes. Complètement sonné, elle voudrait qu'on le fasse, mais je suis sonné. Et on va écouter Koblak. Soyez les bienvenus sur Énergie, on est là. Je parle comme ça parce que je trouve que ça rend plus intelligent. Et je vais vous dire la vérité, ouais. Ça marche pas. A tout de suite. Manu. Manu, il est waouh. 6h-9h30, tous les matins sur Énergie. Gagnez vos places parmi les stars. Dès que vous entendez le double hit Énergie avec deux hits de Ariana Grande à la suite, appelez Énergie 3937 et gagnez vos invitations pour assister au Énergie Music Awards le 10 novembre à Cannes. Oh, c'est génial. Énergie Hit Music Only. En octobre chez Ford, le compte à rebours est enclenché. Le monde n'a jamais connu ça. Serez-vous au bon endroit, au bon moment? En octobre chez Ford, profitez des Ford Days avec un crédit 0% sur l'ensemble de la gamme, ainsi que la TVA offerte. Les Ford Days, c'est chez Ford. Ouverture dimanche 14 selon autorisation. Offre TVA sous forme de remise de 16,67% sur le prix hors option maximum jusqu'au 31 octobre. Crédit au taux 0%, 2000 euros d'apport pour 10 000 euros empruntés, puis 48 mensualités de 208,34 €. Montant total du 10 000 euros si acceptation par Ford Crédit jusqu'au 31 octobre, voir Ford.fr. Avec Canal+, le spectacle ne s'arrête jamais. En octobre, profitez des grands films de l'année. Au revoir là-haut, Justice League, Le Brio, Épouse-moi mon pote. Vivez les plus belles rencontres avec OM-PSG en Ligue 1 Conforama. Découvrez la toute nouvelle saison du Bureau des Légendes, la nouvelle série événement Castle Rock. Et vous n'avez encore rien vu. Canal+, est à partir de 19,90 € par mois et sans engagement. Rendez-vous sur boutique.canal.fr. Valable pour un abonnement via PC, Mac, tablette, smartphone, offre soumise à condition. Auchan, et la vie change. Et pendant les 125 jours Auchan, ce sont les courses d'Anaïs qui changent, avec le nouveau programme de fidélité Auchan. Anaïs, pour te remercier de ta fidélité, Auchan en fait moins pour toi. Moins 10% sur la parapharmacie, les produits bio Auchan et les aliments bébés crédités sur ton compte Waouh. Moins 5% sur une sélection de produits alimentaires et animaleries Auchan. Et même jusqu'à moins 50% sur les produits signalés. Auchan. Montant crédité sur votre compte Waouh, voire modalité des offres et d'obtention de la carte en magasin et sur Auchan.fr. Toyota. Allez, on se fait un ni oui ni non. D'accord. Il est stylé ton nouveau SUV. C'est un Toyota CHR hybride? Tout à fait. C'est bien l'hybride. En plus, c'est sans condition. Du coup, t'as dit oui à l'hybride? Oui. Perdu! Bon, enfin pas vraiment, j'ai gagné 3 500 €. En octobre, dites oui à l'hybride et profitez de la prime à l'hybride Toyota jusqu'à 3 500 € sans condition sur le SUV Toyota CHR hybride 9. Estimez la valeur de reprise de votre véhicule sur toyota.fr. Portes ouvertes ce week-end. Toyota. Offre aux particuliers non cumulable jusqu'au 31 octobre dans le réseau participant. Téléchargez l'appli Énergie gratuite. Sans abonnement. Avec 150 radios digitales. Énergie, hit music only. Intersport. Quand Paul sort, c'est souvent en jogging basket. Paul, t'es sûr que tu veux sortir comme ça? Mais depuis qu'il s'est offert le Total Look Adidas... Attends-moi, je viens avec toi. Chez Intersport, du 8 au 14 octobre, c'est l'Adidas Week. Grâce à votre carte Intersport, profitez de moins 30% sur une large sélection de produits Adidas. C'est 30% de réduction et 100% de style en plus. Intersport, le sport, la plus belle des rencontres. Voir conditions et articles signalés en magasin, liste des magasins participants sur intersport.fr. Adidas Week, semaine Adidas. Pain aux céréales, cherche le fromage si savoureux qu'il n'en restera pas une miette. Justement chez Grand Frais, la tomme de Saint-Ours est à 11,99 € le kilo seulement. Le meilleur marché, c'est Grand Frais. Jusqu'au 13 octobre, 29% de matière grasse sur produits finis affinés en Haute-Savoie. Pour votre santé, limitez les aliments gras, salés, sucrés. Vous savez ce qui est vraiment sensationnel ? C'est que la Halle s'engage à vous offrir jusqu'à moins 50% sur une large sélection de vêtements. Pour vous et toute votre famille. Oui, du 3 au 15 octobre, moins 50% sur une large sélection de vêtements à la Halle et sur lahalle.com. Ça, c'est sensationnel. La Halle, c'est vraiment vous. Conditions en magasin et sur lahalle.com. Cet automne, c'est le dernier moment pour profiter du forfait 40 gigas à 10 € par mois chez Red by SFR. Ah ouais? Bah ouais, tu sais, l'automne, et bah c'est un peu comme l'été. Sauf qu'il fait deux fois plus froid, que t'es deux fois plus couvert et que tu te lèves deux fois plus tôt. Ah! Mais tout a doublé ou quoi? Ouais, mais pas chez Red. Le forfait 40 gigas, c'est 10 € par mois, sans prix qui double au bout d'un an, sans engagement, et c'est seulement jusqu'au 15 octobre. Red by SFR, c'est vert, c'est clair. Rendez-vous vite sur redbysfr.fr. Le forfait 40 gigas, c'est 10 € par mois. Uniquement en France métropolitaine jusqu'au 15 octobre 2018 pour tout nouveau client. Allô, bonjour, je cherche une citadine pratique et compacte. Bonjour madame, je vous propose Fiat Panda à 5 990 €. C'est une 5 portes? Oui, 5 990 € avec 5 portes et climatisation. Génial, et elle bénéficie de la prime à la conversion? Évidemment, et du bonus EcoFiat. Mais elle a combien de kilomètres? Mais elle est neuve, madame. Fiat Panda est à partir de 5 990 €, prime gouvernementale et bonus EcoFiat dédié. Offre sous condition de reprise, incluant la prime de conversion de 2 000 € et le bonus EcoFiat 2 000 € jusqu'au 31 octobre. Détails sur fiat.fr. Portes ouvertes ce week-end. Fiat. Être à la fête, expression française qui signifie que pour l'anniversaire de la Redoute Intérieure, vous allez pouvoir réaliser tous vos projets déco, jusqu'à moins 40% sur la maison, la literie et même l'électroménager. Alors ne choisissez pas entre le salon ou la chambre, refaites les deux. Profitez aussi de la livraison gratuite toute l'année, même sur les volumineux, avec la Redoute et moi. Voir conditions sur laredoute.fr. Manu dans le 6-9. 6h, 9h30. Sur Énergie. Il est 8h qu'on amène le coq. Vas-y, chante. Energy. Donne tout ce que t'as. On va doubler votre salaire dans 5 minutes. On va écouter Que Black. Il y aura aussi The Prince Karma. Later, bitches. Je vous avais dit que ce serait un hit de l'automne. Ouais. Ça arrive pour vous. Avant ça, c'est les infos. Toute l'actu avec Jean-Charles Gaucher. Salut Manu, bonjour à tous. Encore pas mal de pluie dans le sud ce mercredi. On va refaire le point. Toujours du soleil. En revanche, ce matin dans la moitié nord, les averses vont quand même remonter au fil des heures. Cet après-midi, seul un gros quart nord-est devrait avoir droit au ciel bleu et ce sera humide et parfois mouvementé dans le reste du pays. Les températures max, 20 degrés à Toulon, 21 à Angers, jusqu'à 22 pour Lille. 6 départements sont donc placés en vigilance aujourd'hui, que ce soit pour les orages, les fortes pluies ou encore les inondations. Les prochaines heures s'annoncent très compliquées pour les Pyrénées-Orientales, l'Aude, l'Hérault, le Gard, le Tarn et l'Aveyron. Heureusement, ça devrait se calmer en début de soirée avec quelques éclaircies d'ailleurs prévues pour la zone demain. C'est la période, la rentrée passée, les week-ends d'intégration se multiplient bien souvent avec leurs excès. Le ministère de l'Enseignement supérieur lance donc aujourd'hui une campagne de com, de sensibilisation accompagnée d'une charte pour mieux encadrer ces rendez-vous traditionnels de la vie étudiante. Les organisateurs organisateurs doivent désormais détailler précisément le programme, mais aussi le nombre de litres d'alcool prévus pendant les rassemblements. Du jamais vu, jeune ou moins jeune, c'est le moment d'acheter. Les taux immobiliers n'ont jamais été aussi bas, selon une étude dévoilée hier. On est en dessous du précédent record établi il y a 2 ans. En moyenne, on tourne autour d'1,4% sur 15 ans pour le taux. Ce sera donc très difficile de descendre encore plus bas. Dans l'actu également, un feuilleton qui dure, celui du remaniement gouvernemental. On l'attendait, c'est vrai, hier. Finalement, ce sera sans doute aujourd'hui. Édouard Philippe, Premier ministre, doit toujours trouver un remplaçant à Gérard Collomb à l'intérieur et ça pourrait bouger aussi dans d'autres secteurs comme à la culture. Un numéro, le 3620, un site internet, pasteurdon.fr. Vous pouvez donner pour la recherche. C'est le début du Pasteurdon aujourd'hui. 5 jours de collecte de fonds pour aider les scientifiques qui bossent sur toutes les maladies, du cancer jusqu'à Parkinson. En foot maintenant, Leonardo Jardim vit sans doute ses derniers moments sur le banc de Monaco. L'entraîneur monégasque pourrait être remercié assez rapidement à cause du début de saison catastrophique de son équipe, aussi bien en Ligue 1 qu'en Coupe d'Europe. Thierry Henry est fortement pressenti pour le remplacer. Cardi B ou encore Selena Gomez, une chose est sûre, DJ Snake sait s'entourer. Le clip de son dernier hit avec les deux chanteuses est sorti cette nuit. Ambiance volcanique, assez dark et surtout très sexy pour ce taki-taki que vous n'avez pas fini d'entendre. Tous les trois sont nommés cette année aux Energy Music Awards. Les votes jusqu'au 9 novembre sur energy.fr comme d'habitude. Et puis un petit peu de ciné aussi, oui c'est vrai, on est mercredi. Les principaux films en salle ce matin, Venom tout d'abord avec Tom Hardy dans le costume d'un super anti-héros. Et puis dans un autre style, on a aussi Girl, l'histoire de Laura qui a 15 ans, rêve de devenir danseuse étoile. Fille est née mercredi 10 octobre. C'est la fin de ce flash. Il est 8h02. Vous retrouvez Manu dans le 6-9 sur Energy. Rendez-vous dans une toute petite demi-heure pour le prochain point sur l'actu. Bonne journée. C'est nous. Et bonjour. Comme chaque jour, pour démarrer la journée, soyez les bienvenus. Tous les moments du matin sont là. Il y a Isabelle. Salut. Il y a Nico. Bonjour à tous. C'est quoi ça? Ouais, j'essaye de dire bonjour en chantant, quoi. Ouais. C'est quoi ça? C'est cool. Des voix de vieille dame. Ah bon? Oui. Bonjour à tous. Bah voilà, ouais, ça c'est vieille dame. Moi j'ai fait bonjour à tous. Ah ouais, c'est vieille dame. Ouais. Non, non, c'est vieille dame. Bon, bah j'arrête alors. Bon, oui. Tu parles de ta carrière ou de... Ouais, complètement. Paulette est là aussi, évidemment. Contente. Il y a Glandu qui est là. Hello. Soyez les bienvenus dans 6 octobre aujourd'hui. Il y a pire que nous. Ah, oui. Ouais. Et on va vous le prouver dans 10 minutes. C'est pour ça qu'on a fait ça d'ailleurs. C'est juste pour se dire qu'il y a pire que nous dans le monde. Ça s'appelle les concours du jour. Des gens improbables qui font des choses improbables. Ça arrive juste après que Black. Avant ça, on va doubler votre salaire. Et avant ça, quelques infos. Yes. Info télé. Ce soir, c'est Burger Quiz. Ouais. Ah oui. Ouais. Oui, bah oui, le jeu, hein. Ouais, Burger Quiz, c'est sur TMC, présenté par Alain Chabat. C'est un peu spécial ce soir. Les invités sont Dominique Farrugia et Chantal Lobby. C'est la réunion des nuls. Les nuls réunis, bim, dans Burger Quiz ce soir. Ça va être trop bien. Je pense que ça va être énorme. Ouais. Après, j'ai jamais compris comment on pouvait accepter de se faire appeler par un nom péjoratif comme les nuls. Hein, les Wouin. Ouais. Et ouais, c'est bizarre. C'est pas faux. Bon. Faut peut-être être un peu nul en fait. Voilà. Effectivement. Ouais. Une autre info. Le ministère de la Santé a rendu public hier une enquête menée sur les délais d'attente auprès d'un médecin. Oh là. Alors, il faut en moyenne 6 jours pour voir un généraliste. Et écoutez bien, 80 jours pour voir un ophtalmo. Oh, c'est dingue. 80 jours en moyenne d'attente. C'est 2 mois et demi. Malheureusement, faut mentir un peu. Faut dire j'y vois plus rien, ça va plus vite. Bah non. Alors demain, d'autres astuces de Paulette dans la vie. Il faut mentir. Moi, j'ai déjà menti pour aller plus vite chez le médecin. Il m'a calé entre deux rendez-vous. Il a annulé personne. Hein. Et en fait, ça va vite. Bah, il a annulé personne. C'est-à-dire que tous les gens qui étaient là, il a décalé. Ouais. Oui. Et puis quand t'arrives, il voit bien que t'as menti. Ouais. Bah oui. Ah bah ouais. Non, mais généralement, c'est parce que je veux vraiment le voir. Non, mais j'ai un truc. Non. Paulette qui essaye de se rattraper. Tu sais ce qui se passe dans ta tête, la Paulette. Je vais te dire ce qui se passe. Dans ta tête, il y a putain, je viens de dire une grosse connerie. Ouais. Et dans ta tête, tu dis, je vais essayer de me rattraper. Mais ce qui sort de ta bouche après ne marche pas non plus. Tu les vois, les parents là qui sont en train d'emmener les enfants à l'école et qui n'écoutaient pas ce qu'elle dit, la dame. C'est pas bien. On va changer de radio. Tiens. Tu sais quoi? Tu vas être pignon, écoutez France Inter. Et voilà. Et bim. Et ben c'est à cause de Paulette qui lui déconnerait à la radio. Qu'est-ce que je te dise, moi? Non, ne mentez pas pour aller chez le médecin. Ouais. Après 80 jours, c'est vrai que c'est un peu long pour voir un ophtalmo. Ouais. Ouais. C'est qu'entre le moment où tu prends le rendez-vous et le moment où tu y vas, t'as plus besoin d'y aller, t'es devenu aveugle. Donc, Voilà. Effectivement. Allez, 8h06, on double votre salaire. Manu dans le 6-9, tous les matins sur Énergie. Manu double votre salaire. Énergie.fr, Manu dans le 6-9.com ou sur l'application Manu dans le 6-9, vous pouvez vous inscrire ou vous inventez une raison comme Paulette pour passer pour tout le monde. Vous faites comme Manon qui habite en Senis, c'est en Loire-Atlantique, elle a 26 ans. Elle a été sur Énergie.fr pour s'inscrire. Et c'est parti maintenant, Manon. Elle touche 1882 euros chaque mois. On t'appelle pour te doubler ton salaire. Attention. Faut que tu l'écroches, Manon, là. J'aime pas quand ça sonne trop longtemps. Allô ? Ah, Manon ? Oui ? C'est Manon de Ancenis en Loire-Atlantique ? Oui. Oh, toi, tu sais, toi. Toi, tu sais, toi. Toi, tu sais que je sais que tu sais. Quel est le seul animateur radio qui double ton salaire, Manon ? C'est Manu sur Énergie ! Et voilà ! Ouais, Manon ! Manon, tu t'es inscrit, tu t'es peut-être dit que t'avais une chance sur 1 million. Alors, c'est vrai. C'est vrai que vous êtes des centaines de milliers à vous inscrire. Mais Manon, écoute-moi bien. Tu as pris ta chance et t'as eu raison. 1882 euros x 2, ça va faire 3764 euros pour toi. Trop bien. Bah oui, c'est trop bien, Manon. Tu es conductrice de train. Oui, c'est ça. Quel train ? Alors, des TER. D'accord. Pas de TGV ? Voilà. Tu fais pas les TGV ? Pas des TGV, plus tard, dans l'avenir. Ah, parce que d'abord, tu commences par les TGV. Ah ! Ah ouais. Et parce que c'est oui, plus... Oui, oui, oui. Alors que c'est pas la même chose, on les conduit pas de la même façon ? Alors, on les conduit de la même façon, mais voilà, c'est des trains qui vont à plus grande vitesse. Et donc, c'est... voilà, on conduit des TER pendant 7 jusqu'à 10 ans. Et puis après, on peut envisager d'aller au TGV. Oh, ah, ok. Et une fois que t'as le TGV, c'est quoi l'étape d'après ? Et ben après, il n'y a plus d'étape. Après, on reste au TGV. Ah, ou navette spatiale. C'est ça, voilà. Exactement. Est-ce qu'ils font leur crâneur, du coup, les conducteurs de TGV ? Ouais, un petit peu. quand ils se retrouvent à la buvette des conducteurs de train. Ah, et moi, je suis TGV. Ouais. Ah oui, ils sont différents des conducteurs de TER. Ah, ouais. Je t'offre un verre, TER. Moi, je suis TGV. Ouais. Manon, on t'embrasse fort. 3764 euros, ça arrive très vite pour toi. Oh, merci, merci, merci. Gros bisous, ça peut vous arriver vous aussi. Énergie.fr, Manu dans le 6-9.com, vous vous inscrivez. Que blague sur Énergie, et juste après, c'est les concours du jour qui arrivent. C'est une love, qu'est-ce qu'ils attendent? Je pense qu'ils veulent m'atteindre. Rampe comme un serpent, je suis sur 200, un peu comme Satan. Complètement sonné, elle voudrait qu'on le fasse, mais je suis sonné. Ah, complètement sonné, elle me dit je t'aime, mais je suis sonné. Complètement sonné, elle voudrait qu'on le fasse, mais je suis sonné. Ah, complètement sonné, elle pense au mariage, mais je suis sonné. Sonné. Elle voudrait m'emprisonner, ou peut-être m'empoisonner. Ah, entouré de traîtres, on est. Faut savoir sur qui tu pointes ton pistolet. Pris dans un engrenage, tout va tout vite pour moi, oui, Angela. N'en fais pas genre, Angela. C'est love, qu'est-ce qu'ils attendent? J'pense qu'ils veulent m'atteindre. Rampe comme un serpent, je suis sur 200, un peu comme Satan. Complètement sonné, elle voudrait qu'on le fasse, mais j'suis sonné. Ah, complètement sonné, elle me dit je t'aime, mais j'suis sonné. Complètement sonné, elle voudrait qu'on le fasse, mais j'suis sonné. Ah, complètement sonné, elle pense au mariage, mais j'suis sonné. Ma relation est sur la sellette, n'est-ce pas? Elle nous porte l'œil. Pourquoi tes copines veulent s'en mêler? Je ne veux pas que tu penses tout ça sur moi. Tu m'aimes ou pas? Oui, mais parfois je doute de toi. C'est love, qu'est-ce qu'ils attendent? Je pense qu'ils veulent m'atteindre. Rampe comme un serpent, je suis sur 200, un peu comme Satan. Complètement sonné, elle voudrait qu'on le fasse, mais je suis sonné. Ah, complètement sonné. Elle me dit je t'aime mais je suis sonné. Complètement sonné. Elle voudrait qu'on le fasse. mariage, mais je suis sonné. Sur Énergie, il est 8h11. Ça rentre dans la tête grave, ah ouais. Ça. Ouais. The Prince Karma, Little Bitches, ça arrive pour vous dans 3 minutes. Et avant ça, on va se sentir plus fort. Pas parce qu'on a fait un truc dingue, parce que d'autres personnes ont fait des trucs débiles. C'est comme chaque matin, les concours du jour, des gens improbables qui font des choses improbables. On démarre dans les Bouches-du-Rhône. Trois cambrioleurs entrent chez une mamie de 90 ans pour lui voler des bijoux. Oh. C'est pas bien. Pas bien. Elle dort encore. Et alors qu'elle dort encore, ils réussissent à lui prendre un bracelet à son poignet. Aïe. Sauf que ce qu'ils ne savent pas, c'est que ce bracelet est un bracelet d'alarme pour personnes âgées avec un GPS. Ah. Et qu'en fait, en prenant le bracelet de la grand-mère, ils activent le GPS. Incroyable. Donc la police qui est venue après le cambriolage a juste eu à suivre le tracé GPS et à arrêter les mecs. L'enquête beaucoup trop simple, quoi. Ouais. C'est limite chiant. Ils sont presque excusés quand... Ouais. On est désolé de votre connerie, hein. On vient vous arrêter parce que bon, bah, là, c'est le GPS. Ouais. Hein. À Perpignan, deux hommes sont arrêtés pour avoir volé une voiture. Ils passent au tribunal et là, l'un des deux sort cette défense imparable. On sortait de soirée, on n'avait pas envie de marcher, alors on a volé la voiture. Oh là là. Alors étonnamment, figurez-vous qu'ils n'ont pas été libérés. Ah ouais. Ils ont pris 2 ans de prison parce qu'ils avaient en plus déjà été chopés pour le même délit. Ah ouais. Voilà. L'excuse n'a pas marché une fois, il la retente une deuxième fois. C'est ça. Et non. Dernier concours du jour, ça se passe aux États-Unis. Un homme a brûlé sa maison, ça s'est passé le week-end dernier. Il l'a totalement brûlé. Les pompiers sont arrivés, la police est arrivée. Et il a avoué, oui, c'est moi qui ai brûlé la maison. Donc les policiers lui disent, mais pourquoi? Et il disait, j'avais besoin d'effacer les souvenirs. Voilà. Ouais. Wow. Voilà. Alors il a été arrêté quand même parce que ça ne se fait pas. Ah bah non. Quand on veut oublier des souvenirs, on ne met pas le feu. Non. Hein. Ouais. C'est ça. Sinon, enlevez-moi les briquets, là, je vais faire une bêtise. The Prince Karma arrive. Ça sent le gros hit de cet automne, c'est pour vous, c'est dans 3 minutes sur Énergie. Bon réveil, c'est Manu dans le 6-9. Manu dans le 6-9. Manu, Manu, et les ouin ouin, ouh, et le ouin ouin. Énergie, Énergie. Maybe it's 6:45, maybe I'm barely alive. Maybe you're taking my shit for the last time, yeah. Maybe I know that I'm drunk, maybe I know you're the one. Maybe I'm thinking it's better if you drive. Not too long ago, I was dancing for dollars. No, it's really real if I let you be my mama. You don't want a girl like me, I'm too crazy. For every other girl you meet, it's too gazy. I'm sure them other girls were nice enough, but you need someone to spice it up. So who you gonna call? Cardi, Cardi. Coming rev it up like a Harley, Harley. Why is the best food always forbidden? I'm coming to you now doing 20 over the limit. The red light, stop. I don't play when it comes to my heart, let's get it though. I don't really want a white horse in a carriage. I'm thinking more of white horses and carriage. I need you right here, cause every time you fall, I play with this kitty like you play with your guitar. Kids United. Manu, c'est toi le plus fort. Oh, c'est mignon. Ouais. Je crois que les Kids United, il y a un souci, ils changent. Ouais, ils changent le groupe, ils changent pas, tout. Ouais. Mais j'ai pas tout compris. On m'avait dit, alors je sais pas si c'est une vanne, c'est parce qu'ils muaient, du coup, c'était plus les Kids United. Ah bah ouais. C'était genre les ados United. Enfin, c'était c'est compliqué. Ça, c'était des ragots, apparemment, ce truc. Ouais, faut pas croire tout ce qui est écrit dans la presse. Hein. Effectivement. Oh. La presse a scandale qui parle du split des Kids United. Gros dossier, gros lourd. Ouais, il paraît que Élise Lucet sur le coup. 8h17, on va écouter The Prince Karma sur Énergie. Et juste après, on va parler des choses qui nous stressent. Ah tiens. Oui, j'ai une liste des choses qui nous stressent au quotidien. Ok. Ça va pas tellement nous toucher, mais on va parler quand même. Ouais. C'est après The Prince Karma sur Énergie. What the hell do you mean I've gotta wait in line? This is complete and total bullshit. If I show you my tits, will you let me in? Can you just take another drink with me? Thanks. Later, bitches. Bitches. Bon réveil sur Énergie, 8h20, vous êtes détendu, je vais vous stresser. Ah non. On va écouter Kaigo, ça arrive pour vous. Mais avant ça, j'ai une liste de choses, j'ai le top 3. Ouais. Des choses qui nous stressent au quotidien. Ah ouais, bien. Ok. Je pense qu'on peut compléter cette liste. Vous pouvez commencer à nous appeler au 0870 42 48. Écoutez bien. Internet qui devient d'un coup trop lent, sans explication. Ah ouais, ah ouais. On fout ça. On est d'accord. Mais oui. Tu mets une vidéo, d'un coup ça s'arrête et t'as le petit rond qui tourne là, le sablier de merde. Ouais. Tu sais pas pourquoi. Ouais, surtout que dans le doute, t'ouvres une autre page internet qui elle fonctionne. Donc c'est juste ta page internet. Oui. Elle te provoque. Et tu recharges la page, mais elle veut pas avancer. Ah ouais, ça stresse, quoi. Ça stresse, ça. Oh alors, les enfants qui crient, c'est dans le top 3 aussi les choses qui nous stressent. Ah oui. Dans le TGV. Dans le TGV, c'est agaçant. Dans le TGV, tu as les deux vrais plaies du TGV, effectivement. Bon, c'est un enfant qui crie et quelqu'un qui mange une clémentine. Oh là là là là. Oh, les deux réunis. C'est oh là là, mon Dieu. Un enfant qui mange une clémentine en criant. Tu sors du train tout de suite. Ouais, mais je crois qu'on a le droit de tirer l'alarme pour ça. Ah ouais. Sûr. Ce n'est pas vrai, ne le faites pas. Attention quand même. Dans le top 3 des choses qui nous stressent au quotidien, il y a ne plus retrouver son portefeuille. C'est vrai que ça c'est angoissant. C'est atroce, moi ça m'est arrivé vraiment de vider mon sac dans la rue comme ça, de tout jeter par terre pour le retrouver. C'est hyper stressant. Ouais. Vous savez qu'il est la folle du quartier dans ce coin. Ne la regarde pas, mon chéri. C'est la folle du quartier. Eh bien, je t'emmène à l'école. Quelles sont les choses les petites choses du quotidien comme ça qui vous stressent, mais qui, tu sais, ça te donne un coup de ah. Ouais. Oh là, glandu. Moi, c'est dès que je sors d'un supermarché, j'ai peur que le bip se déclenche, le bip des portes. Alors que j'ai rien volé. Oui, oui. Mais j'ai rien volé, ça me stresse à chaque fois. Je suis pas bien. Alors, je sais pas toi, mais quand je sors d'un magasin où j'ai rien acheté et que je passe dans le truc, j'essaye de montrer que je suis confiant. Oui. Ouais. Oui, au mec de sécurité. Ouais. Je lève la tête et j'avance comme ça. Ouais, je n'ai rien volé, je n'ai rien volé. Ouais. T'as rien volé, mais t'es obligé. Je sais pas, tu te donnes une contenance. Et moi, je passe toujours avec quelqu'un, moi. J'attends toujours qu'il y ait quelqu'un qui passe en même temps que moi. Comme ça, je me dis, si jamais ça bip, il y a toujours un doute sur qui c'est. C'est l'angoisse. C'est comme quand t'es un feu rouge et que t'as une voiture de policier à côté de toi. Oh là là là là. Tu n'as rien à te reprocher, panique. Mais t'es pas bien. Ah ouais. Tu mets les deux mains là, sur le volant comme t'as appris à 10h10 et tu la regardes pas. Et tu coupes la musique. C'est là qu'il se dit, il est bizarre celui-là, on va l'arrêter, on va lui vérifier ses voilà, c'est ça le problème. C'est ça. Quelles sont les petites choses qui peuvent vous stresser au quotidien? On a Tiffany qui est là. Bonjour Tiffany. Oui, bonjour. Bonjour à tous. Bienvenue sur Énergie. Qu'est-ce qui peut te stresser au quotidien? Alors moi, c'est tout bête, mais c'est une grosse, grosse trouille. C'est quand je vais au courrier et que j'ouvre ma boîte aux lettres, j'ai toujours l'angoisse d'avoir un courrier avec l'entête du ministère des Défenses Publiques. Oui, quand t'as une lettre du ministère des Finances publiques, et tu te demandes, est-ce que c'est une amende? Est-ce que c'est quelque chose? Est-ce qu'ils ont retrouvé un impôt que je devrais payer? J'étais pas prévu. Ouais. Wow. C'est vrai qu'ils t'écrivent jamais pour dire coucou, comment ça va? C'est vrai que c'est rare d'avoir un truc des finances publiques. Kikou, tu viens toujours en vacances? Non, ça n'arrive pas. Merci de nous avoir appelé, Tiffany. Nico? Ouais, le truc qui me fait stresser au quotidien, c'est le laps de temps entre code bon et paiement accepté quand tu payes en carte bleue. Ah ouais. Parfois il est un peu loin. C'est le moment de stress. Ah ouais. Et quand il y a marqué paiement refusé, c'est le moment d'humiliation. C'est ça. 8h24, on va revenir tout de suite. On va écouter Kygo et Imagine Dragons. Ça arrive pour vous, soyez les bienvenus sur Énergie. On démarre la journée ensemble. C'est Manu dans le 6-9. Manu dans le 6-9 sur Énergie. Dans la famille des il y a Manu. Énergie. Gagnez 10 000 euros dans le cash-cash sur Énergie avec Coé à 17h30. Bonjour, je m'appelle Coé, on est sur Énergie, comment ça va? Je suis sous la pluie, mais ça va. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi t'es sous la pluie? Parce qu'à Nice, il pleut. Attention, ouverture de l'enveloppe. Oh là là. Quoi? J'ai pas gagné. Bénédicte, tu gagnes 10 000 euros. Oh putain. 10 000 euros, les amis. Ouais. Oh là là. 10 000 euros qu'on va vous envoyer dans quelques jours. Génial. Oumi, ma chérie maman a gagné 10 000 euros. T'es contente? Oui. Inscrivez-vous maintenant en envoyant Coé au 7-10-12. C'est le mois Carrefour. Il n'y a pas une minute à perdre. Mais oui, c'est la dernière semaine du mois Carrefour avec 70% d'économies sur plein de produits. Comme sur le café moulu pur arabica carte noire. Non mais 70% d'économies. Résultat des courses, la journée commence bien pour moi et pour mon porte-monnaie. Le mois Carrefour, c'est bientôt terminé dans vos hypermarchés Carrefour et leur drive. Jusqu'au 15 octobre, profitez de 70% d'économies créditées sur votre carte Carrefour sur plein de produits. Carrefour. 4 x 250 grammes, modalité liste des produits sur carrefour.fr. Ce week-end, ce sont les portes ouvertes Peugeot. Vous désirez plus que tout la superbe citadine compacte Peugeot 208 avec navigation 3D et parc assist, idéal en ville et partout ailleurs. Alors cédez à la tentation pour enfin laisser place à une expérience de conduite unique. Pendant les portes ouvertes, Peugeot reprend votre véhicule de 1900 euros en plus de sa valeur pour l'achat d'une Peugeot 208 neuve. Découvrez les véhicules disponibles immédiatement sur peugeotwebstore.com. Conditions sur offre.peugeot.fr. Auchan, et la vie change. Et pendant les 125 jours Auchan, c'est le goûter de Franck qui change. Avec 70% en cagnotte sur les Kinder Délices Cacao pour l'achat d'un lot de deux fois d'y goûter. Moins 70% Franck, c'est bien, hein? Par contre, arrête d'accuser tes enfants d'avoir tout mangé. On sait que c'est toi. Vos magasins Auchan et Auchan Drive proposent 70% en cagnotte sur les Kinder Délices Cacao. Et les goûters changent. Auchan. Montant crédité sur votre compte Wahoo, offre valable jusqu'à mardi. Voir conditions en magasin. Pour votre santé, bougez plus. Vous changez bien ma voix, hein? Parce que sinon, c'est la honte. Hein. Ouais, alors ouais. La reprise Argus, plus 4300 euros sur l'Opel Corsa. Avec climatisation, régulateur de vitesse. Quand j'ai appris ça, j'ai dit, ben voyons, comme ça là. Ben voyons, là, avec ce petit ton là. Et ben l'offre, elle est passée. Et depuis, ben j'ai perdu toute forme de respect vis-à-vis de moi-même. Ben, je me déteste. Jusqu'au 20 octobre, pendant les German Days Journée Allemande, les reprises ont de l'allure chez Opel. Bénéficiez d'une reprise Argus plus 4300 euros pour l'achat d'une Opel Corsa. Offre réservée aux particuliers, conditions sur opel.fr. Porte ouverte ce week-end. Téléchargez l'appli Énergie, gratuite. Sans abonnement. Pour écouter la playlist Énergie. Énergie, hit music only. Être à la fête, expression française qui signifie que pour l'anniversaire de la Redoute Intérieure, vous allez pouvoir réaliser tous vos projets déco. Jusqu'à moins 40% sur la maison, la literie et même l'électroménager. Alors ne choisissez pas entre le salon ou la chambre, refaites les deux. Profitez aussi de la livraison gratuite toute l'année, même sur les volumineux, avec la Redoute et moi. Voir conditions sur laredoute.fr. Intermarché vous propose d'écouter l'arrivage du jour. Dès aujourd'hui, le filet de saumon est à 11,90€ le kilo. C'est ça, un prix producteur et commerçant, et c'est seulement jusqu'à demain, chez Intermarché. Intermarché, tous unis contre la vie chère. Élevé en Norvège ou au Royaume-Uni, selon approvisionnement. Ils arrivent! Qui, quoi? Les extraterrestres, mec! Faut se planquer! Ok, bon, allons dans mon garage. Il est anti-atomique? Non. Il est en béton armé? Un. Je crois que t'as pas bien compris, en fait. Je crois que t'es jamais monté dans ma Golf, en fait. Mais... Oh, monde, je te dis... Bon, moi j'y vais. On peut douter de tout, mais pas de sa Volkswagen. En octobre, pour l'achat d'une Golf, profitez d'une reprise plus jusqu'à 4500 euros sur votre ancien véhicule. Sous condition de bénéficier de la prime à la conversion gouvernementale. Conditions sur service-public.fr et Volkswagen.fr. Portes ouvertes les 13 et 14 octobre. Vous. Oui, vous. Du 3 au 15 octobre, c'est les jours sensationnels. Alors la Halle s'engage à vous faire plaisir. Dans votre magasin et sur lahalle.com, la deuxième paire de chaussures est à 1 euro. Oui, 1 euro seulement la deuxième paire parmi une large sélection. Ça, c'est sensationnel. Pour vous et toute votre famille. La Halle, c'est vraiment vous. Conditions au magasin et sur lahalle.com. Tagliatelle al dente cherche viande d'une grande finesse avec qui nouer la plus tendre des relations. Justement chez Grand Frais, les escalopes de veau sont à 16,99€ le kilo seulement. Le meilleur marché, c'est Grand Frais. Jusqu'au 13 octobre, noix ou sous-noix à griller, origine France. Magasin participant sur grandfrais.com. Toyota. Allez, on se fait un ni oui ni non. D'accord. Il est spacieux, ton RAV4 hybride. Je trouve aussi. C'est bien l'hybride. En plus, c'est sans condition. Du coup, t'as dit oui à l'hybride. Oui. Perdu. Pas vraiment, j'ai gagné 5000 euros. En octobre, dites oui à l'hybride. Et profitez de 4000 euros de prime à l'hybride Toyota et de 1000 euros de remise exceptionnelle sur RAV4 hybride 9. Estimez la valeur de reprise de votre véhicule sur toyota.fr. Portes ouvertes ce week-end. Toyota. Offre aux particuliers non cumulables jusqu'au 31 octobre dans le réseau participant. Manu dans le 6-9. Dans 6-9. 6h, 9h30. Sur Énergie. On est avec vous comme chaque matin. Soyez les bienvenus dans même pas des minutes. C'est les sondages du matin qui arrivent. 7% des gens ont dit l'être lors d'un premier rendez-vous, alors qu'en fait, ils ne le sont pas. Oh, ils ne sont pas quoi? La réponse dans les sondages du matin, juste après Kaigo et Imagine Dragons. Ils ne sont pas quoi? Non, c'est bon. Avant ça, voici les infos. Toute l'actu avec Jean-Charles Gaucher. Salut Manu, bonjour à tous. Encore 6 départements en alerte orange ce matin. On va en reparler. Tous situés en tout cas dans la moitié sud, qui aura droit à une nouvelle fois à pas mal de pluie aujourd'hui. Au nord, la matinée sera belle avant des complications dans l'ouest et le retour des averses. En fait, seul le quart nord-ouest, nord-est plutôt, aura droit à un temps ensoleillé jusqu'à ce soir. Des températures stables. Au max, il fera 22 degrés à Montauban et Dijon, comptez jusqu'à 24 pour Sedan. Vigilance en cours donc pour les Pyrénées-Orientales, l'Aude, l'Hérault, le Gard, le Tarn et l'Aveyron. Des orages, de la pluie, des risques d'inondation aussi annoncés dans toute la zone. Retour au calme dès ce soir en principe avant de belles éclaircies demain. Ça ne bouge pas malheureusement. Le taux de pauvreté est resté stable sur un an. Selon les chiffres officiels hier, en 2017, 8 800 000 personnes en France vivaient en dessous du seuil établi autour de 1 000 euros par mois. Ça représente environ 14% de la population. Le bilan des manifs hier, environ 160 000 personnes ont défilé dans tout le pays. Journée de mobilisation nationale en demi-teinte pour les syndicats qui réunissaient les salariés du privé, les fonctionnaires. Il y avait aussi les retraités, les étudiants qui se réunissaient contre la police. politique du gouvernement. Gouvernement d'ailleurs qui n'a toujours pas de ministre de l'Intérieur. Le remaniement tant attendu devrait finalement avoir lieu aujourd'hui. C'est assez clair, avis aux adeptes du bronzage artificiel, il vaut mieux arrêter au plus vite. En tout cas, c'est ce que dit l'Agence de sécurité sanitaire qui préconise carrément d'interdire les cabines à UV en France. Selon les chiffres, une seule exposition avant 35 ans augmente le risque de développer un cancer de la peau de 60%. Un peu de foot avec un résultat, les Bleus EUES ont battu le Cameroun hier à Grenoble. Victoire nette et sans bavure, 6-0. Les filles de l'équipe de France préparent en fait le mondial qui aura lieu chez nous l'été prochain. D'ailleurs, les ventes de billets ouvriront la semaine prochaine. Il y aura des rencontres dans 9 villes au total, notamment à Paris, à Reims, au Havre, à Nice ou encore à Montpellier. Elle repasse derrière la caméra, Mélanie Laurent est de retour au ciné aujourd'hui avec Galveston, son cinquième film. L'histoire tirée d'un roman qui raconte la cavale d'un criminel et d'une prostituée traquée par la mafia américaine. Au casting, Elle Fanning n'a pas hésité une seule seconde à rejoindre ce projet et sa réalisatrice française. On a un ami en commun. C'est lui qui m'a convaincue de rencontrer Mélanie. Il savait qu'on allait s'entendre. On a la même énergie. Il m'a poussé à regarder une de ses précédentes réalisations, Respire. Et c'est vrai que ça m'a beaucoup marqué. J'aime ce genre de film d'auteur intense. Quand j'ai su qu'elle voulait adapter Galveston et qu'elle cherchait une jeune femme pour jouer dedans, j'ai voulu décrocher le rôle absolument. Voilà donc pour Mélanie Laurent, interview signée Bertrand L'Aiguillon, également au ciné aujourd'hui Venom avec Tom Hardy dans la peau de l'un des pires monstres des comics Marvel. C'est la fin de ce flash, mon réveil, bonne journée sur NRJ. C'est nous. Et bonjour. Les sondages du matin arrivent dans 5 minutes, juste après Kygo et Imagine Dragons. 7% des gens ont dit l'être lors d'un premier rendez-vous, alors qu'en fait, pas du tout. Oh les menteurs. Oh les gros menteurs. Ouais. Voilà. De quoi il s'agit la réponse? Ce sera dans 5 minutes dans les sondages du matin. Avant ça, j'ai trouvé sur internet un bon sujet. Ouais. Qui était votre copain ou votre copine de classe chelou? Ah bah oui, on en a tous eu des comme ça. Bah évidemment, ouais. J'ai vu ce sujet sur Reddit, c'est un site dont je vous parle tout le temps, mais c'est un énorme forum de discussion. Si vous avez rien à foutre la journée comme nous, ou si vous avez des trucs à faire et que vous voulez pas les faire comme nous, eh bien allez. Non mais ce site, c'est REDDIT, faut parler anglais. Ouais. Mais les gens posent des questions mais tellement extraordinaires. C'est vrai. On pourrait faire une émission uniquement en ouvrant le site et t'as des questions dans tous les sens. Et puis les réponses, quoi. T'en as des milliers à chaque fois. Milliers de réponses à chaque fois. C'est génial. Et donc sur Reddit, il y avait cette question: qui était votre copain ou votre copine de classe chelou? Écoutez dans les réponses des gens. Ma copine était persuadée d'avoir des cellules de chat en elle. Oh. Une fois en classe, elle s'est jetée par terre en ronronnant, refusant absolument de se lever. Horrible. Génial, tu vois. À chaque fois que le prof lui demandait d'arrêter de bavarder, mon copain retenait sa respiration jusqu'à devenir tout rouge pour montrer son mécontentement. Mais non, c'est nul. Encore, copain, copine de classe chelou. Ma copine était amoureuse de Dark Vador. Elle avait des posters, des cahiers, un cartable, des photos de Dark Vador collées partout sur ses cahiers. Waouh, ça fait peur. Ouais. C'est compliqué quand même. Ouais, c'est flippant quoi. Elle est assez dark la fille. Bah oui, et puis en plus Dark Vador, jamais tu peux l'embrasser. Mais oui. Ah ouais, avec son casque. Bah oui, c'est vrai. Ouais. Alors, après, tant qu'elle parle pas comme le gars aussi, parce que ça peut être chiant en cours. Ouais. Je suis ton père. Ah ok, bah faut que j'arrête d'être amoureuse. Et dernier petit exemple, mon copain mangeait les chewing-gums collés sous la table. Oh non. Oh, dégueu. Qui était votre copain ou votre copine de classe chelou? 0 870 42 48, vous pouvez nous appeler ou sur l'application Manu dans le 69, vous nous envoyez un message vocal. Nico? Dans le même délire de manger les trucs chelous, moi j'avais un copain de classe qui bouffait les gommes. Il mangeait sa gomme et un jour je lui ai prêté la mienne, il a mangé la mienne. Ah oui, je me souviens, ça m'a traumatisé, je lui ai plus jamais prêté après. Fais gaffe, hein, lui prête pas ta copine. Hein. Les gars, c'était juste les gommes, quoi. Il les grignotait comme un hamster. C'est bizarre, il aimait bien le goût du truc. Et je te jure, quand je lui ai demandé est-ce que je peux avoir ma gomme, il m'a dit je peux pas, je l'ai mangé. Ça traumatise un homme, je te jure. Putain Bernard, qu'est-ce que t'as fait avec notre maison? Allez, fin. C'est chelou, quoi. Qui était votre copain de classe chelou, votre copine un peu bizarre? 0 870 42 48, vous pouvez nous appeler. Dans 3 minutes, c'est les sondages du matin, après Kygo. I never knew anybody till I knew. Soleil sur Énergie, 8h38, on va écouter Drake. Quand il chante, c'est génial, t'as l'impression qu'il s'en bat les couilles. Non, mais vraiment, c'est la force de Drake. Ça arrive pour vous dans 3 minutes, mais avant ça, comme chaque matin. Voici les sondages du matin. Parce que ce sont les sondages et parce qu'on est le matin. Ouais, ouais. Wow. Trop fort. 7% des gens ont dit l'être lors d'un premier rendez-vous, alors que pas du tout. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Sur quoi ils ont menti? Ils ont dit qu'ils étaient bilingues. Pas du tout. Riche? Non plus. Non. Célibataire? Non. Oh. Oh, ça c'est moche. Non, ouais. C'est pas ça. C'est quelque chose de mauvais? Non, pas spécialement. D'accord. Ah ouais. Ventriloque, je suis ventriloque. Et c'est pas vrai. Tu penses vraiment que 7% des gens... Et pourquoi pas Manu? Donc, sur 100 personnes... Écoute-moi, Isabelle. Pour impressionner? Oui, non, mais j'ai compris, oui. Ouais. Sur 100 personnes qui ont un premier rendez-vous, ouais. 7 vont avoir l'idée de dire... Mmh. Tiens, pour la séduire, je vais lui dire que je suis ventriloque. Ouais. Vraiment, tu penses ça? Ouais, surtout s'ils le disent, ils vont devoir lui montrer. Et bah oui, il va bien voir que ça ne marche pas, du coup. Et oui. Effectivement, vous avez raison. On a réussi. 7% des gens, lors d'un premier rendez-vous, alors qu'ils ne le sont pas du tout, ont dit être végétarien. Mais non. Mais. Eh ouais. Oh, c'est dur ça. Ah ouais, à tenir, c'est impossible. Quoi. Ah bah non, à tenir, c'est impossible. Ouais. Et ça, tu tiens un repas. Oh, et encore, bah, Paulette, ouais. Chez nous, par exemple, c'est un mauvais exemple. Elle tient même pas un repas. Ouais. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Si, c'est vrai. Si, c'est vrai. Bah, c'est pas vrai, là, j'ai repris, je m'y tiens. Bon, bref, passons. Ouais. Mais c'est pas d'accord. Mais t'as remarqué qu'on mangeait plus du tout ensemble le midi. Hein. À chaque fois, je rentre chez moi. Paulette, on mange déjà le midi. Oh, tu vas faire les courses, je viens avec toi. Non, c'est pas les pommes. 4 personnes sur 10 ont ça dans leur penderie. Qu'est-ce qu'ils ont? 4 personnes sur 10. Une cravate? C'est pas une cravate. La fringue d'un ex? Ou d'une ex? Ah. Non, pas mal, mais c'est pas ça. Peut-être des économies. Mais qu'est-ce que. C'est ouais, les mêmes qui font ventriloque? 4 personnes sur 10 ont ça dans leur penderie. C'est un vêtement, du coup, on est d'accord. Hein. Oui, c'est un style de vêtement. Qui se porte à certaines occasions uniquement? Oui, absolument, ça se porte à certaines occasions uniquement. La robe de mariée. C'est pas ça. C'est sexuel un peu ou pas du tout? Peut-être, mais c'est pas le but premier. Oh, un déguisement? Un déguisement. Ah bah oui. 4 personnes sur 10 ont dans leur penderie un déguisement. Ah bien sûr. Oui, mais là, toi, c'est que des déguisements. Ah ouais, moi j'ai une penderie réservée. Non, je parlais de tes fringues. Oh. C'est drôle. Oh, bienvenue en CM2, on rigole. Gordu adore les déguisements. Ouais. T'as vraiment une penderie pour tes déguisements. En fait, moi, c'est dans les cartons. Mais j'ai 3 gros cartons. Et wow. Mais ouais. Si Glandu pouvait faire que des soirées déguisées, il le ferait. Oh, j'adore. Ouais. Un couple sur 4 ne le fait jamais ensemble. Je trouve ça dingue, un couple sur 4. Qu'est-ce qu'ils font jamais ensemble? Alors, c'est pas l'amour. Hein. Ouais. Nico. C'est une activité sportive ou pas du tout? Non. Ah. Manger. Manger non plus. Regarder une série? Non. Tu le fais à la maison ou à l'extérieur? À la maison. Ah. Le ménage? Non plus. Ouh. C'est un truc, Nico, tu le fais tous les jours. Isabelle, tu le fais tous les jours. Et pourtant, un couple sur 4 ne le fait jamais ensemble. Se doucher? Non, ils ne se douchent pas tous les jours ensemble. Bah ouais. Ouais. On le. Oui. Ah, on le fait. Se dire je t'aime? Bah non. Se mettre au lit? Être au lit, dormir? Eh bah c'est ça. Un couple sur 4 ne dort jamais dans le même lit. Mais non, comment ils font? C'est énorme. Un couple sur... Comment ils font? Bah ils dorment mieux. Ah ouais. Bah non. Bah t'es pas gêné quelque part? Ah mais moi je suis pas gêné avec ma femme. Moi j'arrive pas à dormir quand elle est pas là. Quand elle sort et qu'elle me dit je rentrerai un peu tard, bah je dors pas. Oh ils sont mignons. Je te jure, j'y arrive pas quoi. Bah, c'est le début de la fin quand même là. Quand mais on non, commence à plus dormir ensemble. Non. Ou alors c'est le. Vous savez quoi? C'est peut-être le début du secret de la longévité des couples. Mais oui. C'est sûr. Ils dorment pas ensemble et de temps en temps ils se retrouvent. Mmh. Et là. Ouais. Ok. Un Scrabble. 8h42. Drake sur Énergie, les sondages du matin reviennent évidemment demain à la même heure. On parle de nos copains, copines de classe qui étaient très chelous dans 3 minutes sur Énergie. Kiki, do you love me? Are you riding? Say you never ever leave from beside me. Cause I want you and I need you. And I'm down for you always. KB, do you love me? Are you riding? Say you never ever leave from beside me. Cause I want you and I need you. And I'm down for you always. Look, the new me is really still the real me. I swear you gotta feel me before they try and kill me. They gotta make some choices, they running out of options. Cause I've been going off and they don't know when it's stopping. And when you get to top and I see that you've been learning. And when I take you shopping, you spend it like you earned it. And when you popped off on your ex, he deserved it. I thought you were the one from the jump that confirmed it. Trap money, Benny. I buy you champagne, but you love some Henny. From the block like you Jenny. I know you special, girl, cause I know too many. Risha, do you love me? Are you riding? Say you never ever leave from beside me. Cause I want you and I need you. And I'm down for you always, JT. Do you love me? Are you riding? Say you never ever leave from beside me. Cause I want you and I need you. And I'm down for you always. Two bad bitches and we kissing in a wave. Kissing, kissing in a wave. Kissing, kissing in a wave. I need that black card in the cold to the safe. Cold to the safe. Cold, cold to the safe. Show 'em how to network. Fuck that Netflix and chill. What's your network? Cause I want you and I need you. And I'm down for you always. And I'm down for you always. And I'm down for you. Down for you. Down for you always. Soyez les bienvenus sur NRJ. Dans 3 minutes, le feu. On veut du Claudie Musette. Ouais. On veut un dernier chapeau. Un peu. Allez. Eh, c'est pas le grand écart. Oh là là. Drake, 3 cafés gourmands. Mais tu sais quoi, je crois que je préfère 3 cafés gourmands. Bah ouais. Ça renvoie. Bah tout de suite, tu la vois la ronde. Avec mais les oui. Photos là. Mais tu sais quoi, t'es heureux. Il vient de se marier. On veut du Claudie Musette. Ouais. Là, tu remplis la piste, quoi. Ouais. Mais Drake aurait du mal à être ami avec 3 cafés gourmands. C'est vraiment deux styles, deux ambiances, quoi. Oh. Ah oui, ah, oui ils sont oui, pas oui. Au même rythme. On sait rien. Ça se trouve, Drake, en fait, il fait ça parce qu'on lui a dit de faire ça, mais il rêve de faire 3 cafés gourmands. Ah, peut-être. Ah, c'est un possible. Featuring, un featuring. Ouais, c'est possible. Et 3 cafés gourmands rêve de faire du Drake. Pas bon. Ouais, ouais. Oh, pas de peau pour tout le monde. Bon, 8h46. Nous parlons de nos copains de classe trop bizarres, trop chelous. Mm-hmm. Quel était le vôtre? Qui était votre copain ou votre copine de classe très bizarre, glandu? Moi, j'avais une copine qui apportait son rat en cours. Elle avait un rat et elle le mettait dans sa capuche parce que du coup elle avait pas le droit normalement de l'apporter. Elle le mettait discrètement dans sa capuche et elle lui parlait. Il s'appelait Albert, je me rappelle, elle lui parlait pendant les cours. Moi ça m'a toujours fasciné les gens que je voyais avec des rats dans le bus. C'est dingue. Je trouvais ça incroyable. Ouais. J'étais jaloux. Je me disais, oh là là, mais comment ils font pour en avoir? Ouais. Faut que je demande à mes parents d'en avoir un. Ah, tu en voulais un? Et je demandais. Et alors ils me disaient d'aller fermer de voir. Ah, oui, ils avaient raison. Virginie, bonjour. Bonjour Manu, bonjour tout le monde. Qui était ton copain ou ta copine de classe très chelou? Ah bah moi j'avais un copain chelou en fait qui portait que des t-shirts métal, un geek, hein, qui parlait que de jeux vidéo. Et ça nous énervait, donc on a essayé de le décoincer. Et en fait, à force de vouloir faire ça, et bah, j'ai terminé avec lui. Oh, génial. Oh, Isabelle, ça dirait pas de me décoincer? Oh. Alors, je demande. Ouais, ça se voit là. Il y a des belles histoires. Ouais, mais on est plus à l'école. Mais t'es encore avec lui ou c'était juste pendant? Non, ça s'est terminé, mais on est resté quand même 2 ans. Ah oui. Finalement, c'était un gars très bien. Mais on peut avoir des t-shirts métal et jouer aux jeux vidéo et être un mec très bien. Ok. Sans vécu. Merci. Peur. Oui, je comprends. Merci de nous avoir appelé, Virginie. Qui était votre copain ou votre copine de classe chelou? 0870 42 48, vous pouvez nous appeler. Isabelle? J'avais une copine qui se barbouillait les mains avec de l'encre de son stylo plume. Elle s'en mettait partout. Et après, elle s'amusait à effacer ça à l'effaceur pendant tout le cours. Ah. Et ben, je vais te dire un truc. Ouais. Je faisais pareil. C'est mais non. Vrai ah ouais. Ouais, j'étais le chelou. Mais en fait, j'adorais la sensation de l'effaceur sur les doigts. Ouais. Ah oui. Et donc, en fait, je m'écrivais aux plumes, je me rappelle, je m'écrivais sur les doigts. Ouais. Et après, je passais l'effaceur comme ça. Mais ouais. Et je sais pas, c'est le côté un peu humide, je sais pas, c'est trop cool. T'avais pas, tu bossais pas des masses à l'époque. À l'école, du coup, ouais. Je bossais, et le pire, c'est que je bossais plus que maintenant. Ah, oui, okay. Pour te dire. J'ai encore son numéro, si tu veux, elle s'appelait Sandrine. Écoute, le rendez-vous chelou. Ah ouais, trop bizarre. Pourquoi pas. Allez. Aurore, bonjour. Bonjour Manu, bonjour les Wawin. Bienvenue sur Énergie. Qui était ton copain ou ta copine de classe chelou? Ah, moi, c'était au lycée. J'avais une fille, en fait, qui venait tous les jours avec sa glacière. Et elle mettait son repas et ses affaires scolaires à l'intérieur. Ah ouais, c'est étonnant. Bah, elle est organisée, quoi. Bah oui, mais enfin, après, si tu la laisses, après, qu'est-ce qu'elle fait avec sa glacière? Bah, elle prend un parasol. Ouais, c'est chiant. Là, c'est chiant. Et elle vient faire des pâtés de sable à l'école. Merci de nous avoir appelés, Aurore, on t'embrasse. Bisous. Gros bisous, 8h49, les amis. Le temps de se lever, le temps de se dire que oui, cette journée sera belle. Voici 3 cafés gourmands. Comment puis-je oublier ce coin de paradis, ce petit bout de terre où vit encore mon père? Comment pourrais-je faire pour me séparer d'elle? Oublier qu'on est frères, belle Corrèze charnelle. Oublier ce matin que tu es parisien, que t'as de l'eau dans le vin, que tu es parti loin. Ce n'était pas ma faute, on joue des fausses notes, on se trompe de chemin et on a du chagrin. On se joue tout un drame, on a des vagues à l'âme. Tu as du mal au cœur, tu as peur du bonheur. Acheter des tableaux et des vaches en photo, c'est tout ce que t'as trouvé pour te la rappeler. Vous me trouvez un peu con, n'aimez pas ma chanson. Vous me croyez bizarre, un peu patriotard. Le fruit de ma réflexion ne touchera personne. Si vos pas ne résonnent jamais dans ma région, c'est pire qu'une religion, au-delà d'une confession. Je l'aime à en mourir pour le meilleur et pour le pire. Et si je monte au ciel, y'aura peut-être Joël, Guillaume et Jérémy et mon cousin Pidry. Johan s'en voyage dans un autre pays. Allez, fais tes bagages, viens rejoindre tes amis. On veut du Claudie Musette à en perdre la tête. On veut un dernier Chabrol, un petit coup de gnoll, les yeux de nos grands-mères, la voix de nos grands-pères, l'odeur de cette terre. Plus sur les monétières, c'est pire qu'un testament. Je t'aime. Soyez sûr, j'en suis fier, j'ai la Corrèze en cathéter. D'être avec vous ce soir, j'ai le cœur qui pétille. Mimi, serre-nous à boire, on a les yeux qui brillent. Je t'aime. Soyez sûr, j'en suis fier, j'ai la Corrèze en cathéter. D'être avec vous ce soir, j'ai le cœur qui pétille. Mimi, serre-nous à boire, on a les yeux qui brillent. Alors non, si je peux me permettre. Oh non Manu, ça va pas recommencer. Excusez-moi, mais à la fin, il dit clairement cette phrase. Mimi, serre-nous à boire, on a les yeux qui brillent. Ouais. Mm-hmm. Je suis Mimi, je suis serveur, je ne sers pas quelqu'un qui a les yeux qui brillent. Ouais, bah, je suis d'accord. Je respecte 3 cafés gourmands, mais là, on ne peut pas laisser passer ça. Mm. C'est-à-dire que là, c'est un bras d'honneur à la modération. En fait. Exactement. On est d'accord. Non, quelqu'un qui a les yeux qui brillent, que tu t'appelles. Alors, déjà, tu t'appelles Mimi. C'est je comprends que tu as envie de les saouler, les mecs en face de toi, c'est normal. Ouais. Mais non, non, on ne peut pas dire ça. D'être ouais. avec vous ce soir, j'ai le cœur qui pétille. Mimi, serre-nous à boire, on a. Non, non, non, non, non, non, non, Mimi, tu ne les sers pas. Non, Mimi. Peut-être qu'ils sont juste amoureux, c'est ça, les yeux qui brillent. Ah, ah, réécoutons, ouais. réécoutons. Allez, on. Ah, non, ça ne marche plus. Ah, bon. Bon ok, on va dire que t'as raison. Merci, Manu. 8h53, les amis, on va s'écouter Dinoro, Gigi D'Agostino. Il y aura aussi Georges Ezra. Mais avant ça, les infos. Ouais. Des études. Ah. Première étude. Selon une étude américaine menée sur 2000 personnes, c'est beaucoup, les personnes qui font leur lit le matin. Ah, attends, avant de vous dire le truc. Ouais. Est-ce que vous faites votre lit le matin? Glandu. Non, jamais moi. Ok, Paulette. Oui. Ok, Isabelle. Moi, il y a encore quelqu'un dans mon lit quand je pars, donc non. D'accord. Et Nico? Moi, je le fais quand je peux le faire, je le fais tout le temps. Tout le temps. Les personnes qui font leur lit le matin dorment mieux et sont de meilleure humeur au réveil. Bah, et c'est pas tout. Ouais. S'ils aiment le jazz et les comédies romantiques, ils ont plus de relations sexuelles. Oh ouais? Ah ouais? Ouais. Attends, je vais mettre au jazz, moi. Mais moi, je déteste le jazz. Ouais. Et je fais pas mon lit le matin. Bah, ouais. Niveau sexe, je suis pas ouf de ouf. Ouais. Ouais. Mais tu regardes des comédies romantiques? Non plus. Ouais. Ah mince. On va passer une autre étude. Ouais. Vous connaissez la théorie qui dit que les femmes, contrairement aux hommes, savent faire deux choses à la fois? Ah oui, bah oui, classique. C'est faux. Ah, voilà, merci. Bim, bim. Écoutez bien, une étude réalisée par l'université de Bergen en Norvège révèle qu'il n'existe aucune différence entre les capacités des hommes et des femmes à faire plusieurs choses à la fois et que nous sommes les deux sexes totalement nuls pour être multitâches. Oh. Et c'est quoi la conclusion de cette étude? C'est-à-dire que quand on vous parle et que vous faites autre chose et que vous nous dites « Non mais je peux faire deux choses à la fois », en fait c'est faux. Ah. Vous êtes exactement comme nous quand on fait deux choses à la fois, vous ne pouvez pas vous concentrer sur les deux choses. Donc vous nous mentez. Ouais. Bien sûr que si, on peut se concentrer sur deux choses. Non. Et vous par contre, vous voulez vous absolument vous convaincre que vous ne pouvez pas alors que vous pouvez. La preuve, vous avez les mêmes capacités que nous. Non, on est aussi nuls l'un que l'autre. Ouais, nous on est dans la réalité, vous êtes dans le déni, vous êtes des menteurs. Exactement, mais pas du tout. Moi hier je faisais la vaisselle, j'avais ma meilleure amie au téléphone, j'ai très bien géré les deux. La vaisselle est impeccable, ma meilleure amie, je lui ai remonté le moral. Et voilà. Ouais, tu lui as remonté le moral. Non, mais t'inquiète pas, ça va aller, il suffit de frotter. Pardon. À 8h55, on revient tout de suite. On va écouter Dinoro et Gigi D'Agostino. Ça arrive pour vous juste après les infos. Bon réveil. Et Manu dans le 6-9. Vas-y Manu, c'est bon. C'est le 6-9 sur Énergie. Leurs destins sont entre vos mains. Your word goes to... Votez maintenant pour vos artistes préférés sur énergie.fr. Riffix.fr by Crédit Mutuel vous invite au Energy Music Awards. Participez dès à présent au concours du meilleur fan. Et rendez-vous le 10 novembre à Cannes en direct sur TF1 et Energy. It's music only. Lidl, meilleure chaîne de magasins de l'année. Ah, le patron? Pour des nouvelles de Lidl? Ah, elle est toute fraîche, hein. Et il y en a 8. C'est le club des frais. 8 jolies peluches à collectionner. Des fruits et légumes trop mignons, patron. Oui, bon, tu m'en dis plus? Plus? Eh ben, du 26 septembre au 25 novembre, pour 15 euros d'achat, les clients reçoivent une vignette. Et en échange de 18 vignettes plus 99 centimes, ils emportent une peluche. Moi, ma préférée, c'est le brocoli. Arrête, j'en peux plus. Ah, bah, on est mal. Très mal. Lidl, le vrai prix des bonnes choses. Modalité de l'opération disponible sur lidl.fr/club des frais. En octobre chez Ford, le compte à rebours est enclenché. Le monde n'a jamais connu ça. Serez-vous au bon endroit, au bon moment? En octobre chez Ford, profitez des Ford Days avec la Ford Fiesta avec système audio sync compatible Waze à seulement 109 euros par mois. Les Ford Days, c'est chez Ford. Ouverture dimanche 14 selon autorisation. LLD 48 mois, 40 000 km pour une Fiesta Trend. 1 litre, 70 chevaux, premier loyer de 1490 euros. Offre réservée aux particuliers valable jusqu'au 31 octobre sous condition de reprise d'un véhicule éligible. Si acceptation par Bremen et Lise, voir Ford.fr. Qui habille, le bonheur vous va si bien. Et le bonheur, c'est de pouvoir habiller toute sa petite famille à tout petit prix. Le grand déstockage d'automne commence aujourd'hui chez Qui habille. Jusqu'à moins 50% sur toute la mode, toutes les tendances, pour toute votre tribu. Jusqu'à moins 50%, vous allez adorer. Le déstockage par Qui habille du 10 au 23 octobre. Qui habille, le bonheur vous va si bien. Sur article signalé, conditions, magasin et qui-habille.com. Téléchargez l'appli Énergie, gratuite, sans abonnement. Avec tous vos hits préférés. Énergie, hit music only. Grand vrai. Pain aux céréales, cherche le fromage si savoureux qu'il n'en restera pas une miette. Justement chez Grand Frais, la tome de Saint-Ours est à 11,99€ le kilo seulement. Le meilleur marché, c'est Grand Frais. Jusqu'au 13 octobre, 29% de matière grasse sur produits finis affinés en Haute-Savoie. Pour votre santé, bougez plus. Vous savez ce qui est vraiment sensationnel ? C'est que la Halle s'engage à vous offrir jusqu'à moins 50% sur une large sélection de vêtements. Pour vous et toute votre famille. Oui, du 3 au 15 octobre, moins 50% sur une large sélection de vêtements à la Halle et sur lahalle.com. Ça, c'est sensationnel. La Halle, c'est vraiment vous. Conditions au magasin et sur lahalle.com. Cet automne, c'est le dernier moment pour profiter du forfait 40 gigas à 10€ par mois chez Red by SFR. Ah ouais? Bah ouais, tu sais, l'automne, et bah c'est un peu comme l'été. Sauf qu'il fait deux fois plus froid, que t'es deux fois plus couvert et que tu te lèves deux fois plus tôt. Ah!